السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 2 Muharram 1430, ce qui correspond au 19 décembre 2009 بإذن الله سبحانه عز وجل. Avant de commencer, inshallah ta'ala, le cours, j'attends, inshallah ta'ala, que sur le pal talk, yani que je sache qu'on est en train de m'entendre. Bi'idhnillahi ta'ala. Alhamdulillah. Donc, on est toujours avec l'Aqida al-Wasitiya, on est toujours avec le deuxième tome. Inshallah ta'ala, aujourd'hui, c'est le cours 51. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Donc, on parlait de quoi ? On parlait de Al-Sunnah al-Jama'a. Naam. Et on a dit comment qu'ils étaient. Entre autres, on avait dit, c'est le dernier point, on avait dit, يَدِنُونَ بِالنَّصِحَةِ لِلْأُمَّةِ. On dit que Al-Sunnah al-Jama'a font la nasiha à la Ummah. Naam, à la Ummah. Et on avait dit, yani, que la nasiha, c'était, d'après le hadith du messager d'Allah, alayhi sallam, que vous connaissez tous, c'est, yani, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son livre, son messager, et pour ceux qui détiennent la gouvernance, et aussi pour les savants, et pour yani, la communauté aussi. Ensuite, on s'est arrêté la fois passée, c'était quoi et comment faire la nasiha à qui? Aux savants, bi'idhnillah ta'ala. Et reste qu'on dise aujourd'hui, quant à la nasiha, à la communauté, c'est de faire tous ces efforts, bi'idhnillahi ta'ala, pour montrer le bien avec science et sagesse, et pour que les gens s'éloignent du mal aussi, avec science et sagesse, bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui, le Cheikh al-Rahmatullah dit, فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ مَا هُوَ مِزَانُ النَّصِحَةِ لِلْأُمَّةِ. Il a dit, si quelqu'un va nous poser la question, il va dire, c'est quoi la balance, disons la mesure, non, de cette nasiha. C'est quoi la balance pour savoir, yani, comment la faire, etc. Réponse, le Cheikh al-Rahmatullah dit, فَالْمِزَانُ هُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ صَلَاتُ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Bukhari Muslim, rapporté par Bukhari Muslim. Donc, c'est quoi la balance pour savoir yani, comment tu fais la nasiha, etc. C'est très simple. C'est quoi? C'est se baser sur le hadith du messager d'Allah, lorsqu'il a dit que personne de vous ne serait croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Donc, toi, quand tu fais la nasiha, quand tu la fais, pourquoi? Parce que tu le veux quoi, en fait? Tu le veux du bien. Tu le veux du bien. Naam. Justement, avant de lui faire la nasiha, tu dois penser, est-ce que cette chose, moi, naam, je l'aime pour moi ou je ne l'aime pas? Si tu l'aimes pour toi, alors il est ton devoir, naam, de lui faire la nasiha à lui aussi, quand tu veux qu'on te la fasse à toi. Naam. Il a dit, فَإِذَا عَامِلْتَ النَّاسَ هَذِي الْمُعَامَلَةَ فَهَذَا وَتَمَامُ النَّاسِحَ. Il a dit, c'est ça la vraie nasiha. Si, lorsque tu conseilles les gens, tu leur veux le bien que tu te veux pour toi-même, et tu voudrais yani, éloigner de le mal Lequel tu voudrais aussi qu'il soit éloigné de toi? Il a dit là, vraiment, c'est ça la nasiha, c'est ça le conseil. Là, tu as été sincère, bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit, فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر هل ترضى أن يعاملك شخص بهذا فإن كنت لا ترضى فلا تعامله. Il a dit, avant que tu conseilles une personne, non, avant que tu conseilles une personne, là, avant que tu fasses quoi que ce soit avec une personne, médite d'abord, médite. Est-ce que tu acceptes qu'on fasse avec toi ce que toi tu veux faire avec les autres? Il a dit, si tu n'acceptes pas, alors ne fais pas cette chose avec lui. C'est ça la balance. Non. Avant de faire une chose avec quelqu'un, toujours médite et dis, et si moi on me faisait la même chose, est-ce que j'accepterais? Si c'est yani, le cas où tu n'acceptes pas qu'on te fasse cette chose, alors dis, moi aussi je n'ai pas le droit de faire cette chose à cette personne. Non. Ensuite, il a dit, maintenant, c'est, inshallah ta'ala, on a terminé du conseil. Non. Et il a dit, il y avait deux ou trois cours spécialement sur le conseil. Maintenant, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, continue, il dit, ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه رواه البخاري ومسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دي أهل السنة والجماعة أتست كوا نعم أتست le sens qu'il y a dans le hadith du messager d'Allah عليه السلام où il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le croyant, par rapport au croyant, c'est comme une construction. Il a dit, marsos, yani, vraiment, yani, qui tient, yani, qui, disons, yani, se tient vraiment. Nam? Il a dit, yeshuddu ba'dahu ba'dan. Nam? Une construction, c'est quoi? C'est des briques. Par exemple, des briques. Chaque brique, yani, retient l'autre pour qu'elle ne tombe pas solide. Chaque brique retient l'autre. Et le messager de la Rasulallah, en parlant ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a croisé entre ses doigts. Il a croisé ses deux mains, c'est-à-dire il a croisé entre ses doigts. Ici, le Cheikh Rahimahullah n'a pas montré que dans le hadith, ici, le mot marsous en arabe, le mot marsous est quelque chose en plus. Mais le vrai hadith dit Al-mu'minu, kal-bunyan. Et le messager de l'Allah a croisé entre ses bras, entre ses doigts. Le Cheikh Al-Cheikh Al-Uthaymeen dit شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن نعم المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit le messager d'Allah alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Il a fait ressembler le croyant, qu'est-ce qu'il est par rapport à son frère, le croyant, comme une construction solide. Nam, une construction solide. حتى يكون بناء محكما متمسكا يشد بعضه بعضا ويقوى به ثم قرب هذا وأكده فشبك بين أصابعه. Il a dit, vous savez que le messager d'Allah, quand il parle, il donne beaucoup d'exemples et beaucoup de métaphores. Pourquoi? Pour que les gens comprennent mieux. Non, moi, quand je te dis une chose et je te donne un exemple, tu comprends encore mieux que je ne te dise que yani, la science elle-même. Mais si j'ajoute un exemple, tu comprends mieux. Par exemple, là, je donne un exemple. Lorsque le messager de la voulait nous montrer que, par exemple, les ablutions, par exemple, ça faisait enlever les péchés. Car vous savez, il y a un hadith qui dit que quand quelqu'un fait des ablutions, quand il commence déjà par les mains, tous les péchés qu'il a commis avec ses mains tombent. Ensuite, il passe à sa bouche, tout ce qu'il a dit avec sa bouche tombe, des péchés. Ensuite, le nez, les yeux, jusqu'au pied. Vous connaissez le hadith. Le Mohim, il a cité un hadith où il a dit, et si par exemple l'un de vous avait devant sa porte un lac, par exemple, qui passe, et une rivière, et que 5 fois par jour, il allait se laver dans cette rivière, est-ce qu'il reste des saletés sur lui? Regardez, on me donne un exemple pareil. J'ai une rivière devant moi, je me lave 5 fois dans la rivière, alors que j'étais sale auparavant, sûrement que cette saleté va disparaître. Pourquoi il donne comme ça des exemples, la rivière, pour que la chose soit bien comprise et bien ancrée dans ton cœur et dans ta tête. Ici, le messager d'Allah est en train de parler que et de l'union, disons, qu'il doit y avoir entre les musulmans. Et pour donner un exemple, il cite la construction. Dans toute construction, il y a une union entre les briques. Entre le ce qu'il y a le ciment, le tout est mélangé et ça tient l'un à l'autre. C'est impossible, par exemple, de démolir une chose d'une construction sans que la construction ne se démolisse. Pourquoi? Tout tient, repose sur l'autre. C'est comme ça que veut dire le messager d'Allah. Il veut dire que le musulman a besoin de l'autre, comme exactement la brique a besoin de l'autre dans une construction. Dans une construction. Il a dit, il a dit ensuite, le messager d'Allah ne s'est pas suffi à parler et à donner un exemple, mais encore, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fortifié ses arguments en croisant ses doigts, en te montrant comme ça des choses devant toi concrètes. Regardez, il a dit, Cheikh Ibn Othaymeen Rahmoudi, quand on a les doigts qui ne sont pas croisés, nos doigts comme ça qui sont, disons, éparpillés, nos doigts sont faibles, sont faibles. Mais si on va les croiser comme ça, on va les croiser, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir forts. Ils vont devenir forts. Déjà, vous connaissez le dicton qui dit l'union fait la force. Naam, c'est un ensemble qui fait corps. Naam. Il a dit, كَذَلِكَ الْمُؤْمِنِ مَعَ أَخِهِ إِذَا صَارَ فِي أَخِهِ نَقْصٍ. Il a dit, c'est la même chose avec ton frère. Naam, avec ton frère. Des fois, ton frère, naam, seul, il est quoi? Seul, yani, il est faible, il est faible. Mais si toi, tu vas l'aider, et l'autre va l'aider, et l'autre va s'unir à lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir fort. C'est un peu comme s'il y a par exemple un lion. Il y a un lion. Et nous sommes par exemple 10 personnes. Mais chaque personne est seule. Moi, je vais yani, attaquer le lion. C'est pas possible. Non, il va manger. Le deuxième, c'est la même chose. Le troisième, c'est la même chose. Mais si on va s'unir, on va dire, venez les 10, on va sortir à la fois, à la même minute, on va yani, au lion. Non, est-ce qu'il peut faire quelque chose le lion? Il ne peut pas contre 10. Contre 10, il ne peut pas. Non, lui-même, il est obligé de s'enfuir. Non. Mais si chacun va sortir seul pour l'affronter, il va les manger tous. Non. C'est pour ça que il y a beaucoup, non, il y a beaucoup de force dans quoi? Dans l'union. Dans l'union. Il a dit, l'union, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parfait. Elle parfait. Il a dit, le croyant, par rapport à son frère, c'est quoi? C'est un miroir. C'est un miroir. S'il voit que dans ce miroir, il y a quoi? Il y a un manque. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de le parfaire. Il essaye de le parfaire. Regardez, par exemple, seulement dans certains endroits. Dans certains endroits, vous trouvez, par exemple, des gens de Al-Sunna al-Jama'a, les vrais. Hein, vous les trouvez. Ils vivent parmi des gens, naam, yani plein de bid'a, mais qui sont nombreux. Mais qui sont nombreux. Les gens de la bid'a sont nombreux. Naam. Les gens de la sunna, les gens du minhaj, vous les trouvez toujours, yani ils sont peu. Ils sont peu. Mais pourquoi ils sont peu? Parce qu'eux-mêmes, vous allez trouver des gens qui sont sur le minhaj comme eux, mais qui ne font rien pour aider. Qui ne font rien pour aider. Donc je vais me trouver quoi? Seul, contre qui? Contre les innovateurs. Contre les gens de la bid'a, contre les gens du faux minhaj. Mais si on s'était unis tous, qu'est-ce qui va se passer? On donnerait alors quoi? On serait vraiment fort. On serait vraiment fort et les gens de la bid'a, yani, nous auraient quoi? Auraient peur de nous. Auraient peur de nous parce qu'ils savent que maintenant on est fort et on est nombreux. Ensuite, il a dit, il a dit le croyant, quand il a besoin de son frère, il l'aide. Et quand il sait que son frère est malade, il va lui rendre visite. Et comme ça, dans toutes les circonstances et les situations. Il a dit, il a dit, les gens de la sunna et du consensus attestent ces choses-là qu'on vient de citer Et non seulement on atteste avec le cœur, mais l'applique. Mais l'applique. Et ça me rappelle ici le hadith du messager d'Allah, que le cheikh, rahimahullah, n'a pas cité, qui se trouve dans l'Adab al-Mufrad de cheikh Al-Albani, rahimahullah, numéro 238. Et le cheikh, rahimahullah, a dit, hadith Hassan, bon, où le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Al-mu'minu mir'atu akhi. Le croyant, c'est le miroir de son frère. Idara'a fiha aiban aslaha. Il a dit, s'il voit, yani sur le miroir, là, la glace, il voit qu'il y a un défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de l'arranger. Donc, le croyant, pour le croyant, c'est quoi? C'est un miroir. C'est une glace dans laquelle il se voit. Donc, Al-Sunna al-Jama'a, quand ils savent que quelqu'un est malade, ils lui rendent visite. Ils savent que quelqu'un a besoin d'une chose, ils essaient de la lui faire arriver. Et l'islam, ce n'est pas seulement tu apprends la science et tu n'appliques pas. Car dans ce cas, ça ne va, non seulement ça ne va te servir à rien, mais pire encore, ça va te renverser contre toi, Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, ça va te renverser, ça va se renverser contre toi, car tu savais et tu n'appliquais pas. Au moins l'autre qui est ignorant, au moins il ne savait pas. Allah Ta'ala va le punir, c'est sûr, pour ne pas avoir demandé la science, pour avoir passé son temps à jouer, à rouler, je ne sais pas où, à écouter les choses futiles, au lieu de demander la science. Bon, pour cela, il va le châtier et le punir. Mais moins que celui qui savait et n'appliquait pas. Moins que celui qui savait et n'appliquait pas. Quand il a dit ici qu'ils allaient rendre visite aux malades, etc. Moi, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle que, par exemple, vous en France, par exemple, combien de personnes il y a qui sont abandonnées dans les, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, les trucs de vieillesse, etc. Combien de personnes qui sont abandonnées dans les hôpitaux? Et vous savez que chez les kuffars, par exemple, il n'y a pas cette rahma qu'il y a entre les musulmans. Chez les kuffars, il n'y a pas cette rahma, la miséricorde qu'il y a chez les musulmans. Chez le kafir, tu as 18 ans, dégage. Allez, tu sors de la maison, tu es une fille ou un garçon. Tu sors et si tu es vieux, tu es abandonné par tes enfants, par tout le monde. Al-Muhim, regardez comment vous avez yani, des occasions en or pour aller faire la da'wa chez des gens qui sont vraiment abandonnés. Vous avez des milliers de chez vous de kofar qui sont abandonnés dans des centres, des vieux, des vieilles, des âmes qui ont vraiment besoin de quoi? D'aide. D'aide dans quel sens? Dans le sens de leur faire la da'wa. Non. La da'wa, c'est pas seulement tu vas dire aux gens, dis la ilaha illallah. Non, la ilaha illallah, il faut que je sente. Yani que, pourquoi je vais dire la ilaha illallah? Il faut que je comprenne d'abord et que je sente qu'il y a quelque chose derrière la ilaha illallah. Mais quand je vais chez quelqu'un qui est abandonné dans un centre tout seul, personne pour lui rendre visite, personne. Et là, je lui emmène avec moi des choses et je commence à lui faire la da'wa. Là, ça va marcher. Là, ça va marcher. Non. Donc, ce n'est pas seulement lire et écouter les doros. Il faut aussi faire des choses pour ces gens, qui sont abandonnés, ces gens qui ont besoin de quoi? Besoin de comprendre, de savoir c'est quoi l'islam. Non. Al-Muhim. Allah Ta'ala nous aide et vous aide. Ensuite, il a dit, ensuite, il a cité le hadith du messager d'Allah, deuxième hadith très connu, très connu. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Très connu ce hadith, authentique bien sûr. Je ne connais pas comment on l'explique en français, mais je vais dire à peu près, c'est tout. Si vous vous trouvez ça en français, vous me le dites, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit, les croyants, disons, dans leur amour mutuel, dans leur miséricorde mutuelle l'un envers l'autre, et dans leur, disons, penchant, yani, l'un vers l'autre, il a dit, sont comme quoi? Sont comme un seul corps. Un seul corps. Ou bien comme un corps. Qu'a-t-il ce corps? Il a dit, ce corps, si jamais un seul membre souffre, ou bien a mal, alors tout le corps, toutes les parties de l'autre corps vont quoi? Vont aussi avoir mal et lui rendre, yani, lui porter secours. Avec quoi il a dit? Avec la fièvre et la veillée. Et la veillée. Naam. Subhanallah. Ça, c'est un autre exemple. que le messager d'Allah a donné un exemple, une métaphore qui prouve que celui qui parle ici, ce n'est pas un être humain, yani qui dit des choses sa tête, ni de la philosophie, ni de je ne sais pas quoi. Ça prouve que c'est des choses qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça se trouve, c'est des révélations, des choses inspirées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas possible que quelqu'un puisse donner un exemple pareil. Le messager d'Allah n'était pas médecin. Et il t'apprend ici que si jamais une seule chose, n'importe quoi, de ton corps te fait mal, alors tout ton corps, yani, va te faire mal. Et c'est tout ton corps qui va avoir la fièvre. Et c'est tout ton corps qui va veiller, qui ne va pas pouvoir dormir la nuit. Et ça, inshallah ta'ala, tout le monde, là au moins, yani, essayez une fois dans sa vie. Tu as juste un doigt qui te fait mal, ton doigt qui te fait mal. Est-ce que le mal va être seulement au niveau du doigt? Non, c'est déjà avec ton doigt qui va faire mal, c'est peut-être la fièvre qui va venir. Et si c'est la fièvre, c'est la veillée et tu ne vas pas dormir. Donc, pourquoi il a dit ça ici? Qu'est-ce que ça a à voir avec la fièvre et avec ce qui fait mal? Le messager de Allah veut nous dire que quand un musulman a mal, nous tous, les musulmans, on est un seul corps. On doit tous avoir mal. Non. Si un musulman, quelque part, a mal, nous tous, on doit quoi? Avoir mal. Jusqu'à ce que ce musulman n'ait plus mal, alors nous, on n'aura plus mal. C'est comme si le messager d'Allah veut dire, maintenant, si quelqu'un a mal, un musulman, et toi, tu ne ressens rien, ça veut dire, vous ne formez pas le même corps. Si on ne forme pas le même corps, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Non. Donc, Cheikh Al-Mahmoudi, ça veut dire, un homme, il a dit, donc, les musulmans s'associent dans les espoirs, les choses qui sont bien, et aussi dans les douleurs. Dans les douleurs. Les musulmans, disons, se font la miséricorde mutuelle. Se font la miséricorde mutuelle. Ensuite, voilà le hadith, il est ici. Je vais, inshallah ta'ala, vous le mettre sur le paletot. C'est dommage, Abou Zek, toi, yani, quand tu. Comment dirais-je? Pour des hadiths, etc. C'est dommage que tu sois seulement là-bas. C'est-à-dire que tu n'es pas avec nous ici. C'est pour ça que yani, les gens ne voient pas les hadiths. Donc voilà le hadith en français. Les musulmans sont comparables dans leur solidarité, leur clémence et leur miséricorde mutuelle à un seul corps. Lorsqu'un seul membre se plaint d'un mal quelconque, tout le corps souffre de fièvre et d'insomnie. Non, il n'est pas possible de séparer entre le mal et, par exemple, la fièvre. Non, tout le corps souffre. Non, le doigt ne peut pas souffrir lui-même. Tout le corps va souffrir avec ce doigt qui souffre. الشيخ رحمه دي حتى إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من إخوان المسلمين حاول أن يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه البغضاء. Il a dit, on doit s'entraider mutuellement et s'aimer mutuellement au point où, si quelqu'un de nous trouve de la haine pour un frère ou là, une sœur, yani, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, il doit essayer et faire des efforts pour enlever la haine qu'il a dans le cœur pour cette personne. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que Cheikh Larmou, ici, yani, parle en général. Parle en général. Sinon, une personne, par exemple, qui fait des bid'a, une personne qui a des déviations dans le dîn, une personne à laquelle j'ai fait des nasiha et à laquelle yani, on lui a montré le haqq, etc., qui ne veut pas revenir, hein, ça rentre pas dans ce que dit Cheikh ici. Parce que Cheikh, rahimahullah, que vous connaissez, n'aimait pas les gens de la bida. Comme toute personne qui est avec el-sunna ou el-jama'a. Les gens de la bida, je ne les aime pas. Les gens de la bida, je leur fais des nasihats, je suis yani, sage avec eux, je leur montre doucement, j'accepte yani, une longue durée avec eux, etc. Mais, hein, je ne l'aime pas. Pourquoi je ne l'aime pas? Pour sa bida. Je ne l'aime pas parce qu'il égare les gens Et il est égaré, il ne veut pas revenir vers le haq, et il le connaît. Il connaît le haq, il ne veut pas revenir. Ce n'est pas comme le pécheur, ce n'est pas comme celui qui boit l'alcool, etc. Celui-là, il sait quoi? Il sait qu'il est dans le faux. Il sait qu'il est dans le faux. C'est pour ça que quand tu lui fais la nasiha, il revient vite. Alors que les gens de la Bida ne reviennent presque jamais vers le haq. Il a dit, il a dit, le corps, si jamais un seul membre du corps, même s'il est petit, il a dit, a mal, alors tout le corps aura mal. Exemple, il a dit, il a dit, si par exemple ton petit doigt, l'auriculaire, te fait mal, il a dit, alors que c'est le plus petit membre, il a dit, pourtant c'est seulement le petit doigt qui a mal. Il a dit, mais pourtant c'est tout le corps qui va souffrir. Tout le corps qui va souffrir. La même chose pour quelqu'un, par exemple, qui a un mal d'oreille. Qui a un mal d'oreille. Est-ce que c'est seulement l'oreille qui va lui faire mal? C'est tout le corps qui va lui faire mal. La même chose pour celui qui a un mal dans les yeux. Est-ce que seulement c'est l'œil qui va te faire mal? C'est tout le corps qui va te faire mal. Il a dit, il a dit, cet exemple et cette métaphore que le messager d'Allah a cité ici, c'est juste pourquoi? C'est juste pour rapprocher l'idée à l'esprit, hein, pour qu'on comprenne bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand il y a un exemple concret, le fait par exemple de quoi? De croiser les doigts, et le fait, yani, de dire que si le musulman par rapport au musulman, c'est comme un membre par rapport à un corps. Non, ils ne peuvent pas se séparer. Ensuite, le Cheikh Rahmoudi, Cheikh Ibn Taymiyyah Rahmoudi, wa ya'muruna bis-sabri 'inda al-bala wa ash-shukri 'inda ar-raha wa ar-rida bi-murri al-qada. Donc, Cheikh l'Islam, rahimahullah, dit, Ahl Sunna ou Jama'a, qu'est-ce qu'ils font? Ya'muruna bis-sabri 'inda al-bala. Ils commandent la patience face au malheur et face à l'épreuve. Ils commandent la patience face à l'épreuve, na'am, ou shukri 'inda ar-raha. Et ils commandent la gratitude, le fait de remercier, na'am, dans l'aisance. Quand on est dans l'aisance, qu'est-ce qu'on fait? On remercie. Et il recommande aussi, il commande ar-rida bi-murri al-qada. Il commande la résignation et l'agrément du sort et du destin, du décret d'Allah Ta'ala, même s'il est amertume. Même s'il est amer. Même s'il est amer. Non. Taïb, on va expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire ça. Il y a trois choses. Premièrement, les gens de la Sunna, il a dit, ya'muron, ils ordonnent. Les gens de la Sunna ordonnent. Ici, le Cheikh Lahmou va faire une petite remarque sous le mot ordonner. Il dit, قَدْ يُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ تَشْمَلُ أَمْرَ نُفُوسِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ فَهُمْ يَأْمُرُونَ حَتَّى أَنفُسَهُمْ. Il a dit, lorsque Cheikh l'Islam a dit, il commande la patience. Il a dit, dans le fait de commander, rentre aussi quoi? Rentre aussi nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement on commande aux autres, mais on commande aussi à nous-mêmes. Moi aussi, je commande à moi-même. C'est pas seulement je commande aux gens. Et il a cité le verset où il est dit, je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très initiatrice au mal. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très initiatrice au mal. Donc si l'âme, nafs, aime le mal, aime les fitna, aime les shahwa, aime les choubouhat, aime ceci, aime cela, aime les plaisirs, donc je ne dois pas m'innocenter. Je dois lui commander le bien à mon âme aussi. Et je dois commander la patience face aux épreuves à mon âme aussi, à mon nafs, et bien avant les autres d'abord. Donc, ordonne, ça c'est ordonné. Ensuite, il a dit, les gens de la Sunna ordonnent quoi? ordonne la patience face à l'épreuve. La patience. C'est quoi la patience? Tahammul al-bala. Le fait de supporter le malheur. C'est ça la patience. Le fait de supporter quelque chose qui te fait mal. Quelque chose qui te fait mal. Wa habsu an-nafsi 'an at-tasakhkhuti bil-qalbi aw al-lisan aw al-jawarih. Ça ne suffit pas de dire la patience, c'est seulement supporter. Supporter comme ça. Mais aussi, le fait de ne pas s'insurger. On doit quoi? On doit nous contenir et contenir notre nefs pour qu'elle ne s'insurge pas, elle ne se rebelle pas contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'insurger se fait ou bien avec le cœur, ou bien avec la langue, ou bien avec les autres membres, comme on va le voir, inshallah ta'ala, tout à l'heure. Ça, c'est quoi? C'est la patience. Donc, ils ordonnent la patience. Quand est-ce? Quand est-ce? Il dit, عند البلاء, face à l'épreuve. C'est quoi le bala? Le bala, Cheikh Lahmoudi, el musiba, le malheur. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur. La vie, c'est des épreuves. La vie, le croyant, c'est quoi? C'est des épreuves. Et Yom al-Qiyamah, c'est quoi? C'est la rétribution. Dans cette vie, c'est quoi? C'est des épreuves. Et le jour de la résurrection, c'est quoi? Tu vas avoir, inshallah ta'ala, la récompense. Ici, c'est comme les examens. Tu es en train de passer des examens chaque jour. Et quand tu meurs, inshallah ta'ala, si tu as réussi tes épreuves, tu auras quoi? La récompense qui t'attend. Taïb, les épreuves ici, elles sont de quelle sorte? Elles sont multiples. Allah Ta'ala va citer dans ce verset quatre ou cinq sortes d'épreuves pour que tu les saches et que tu les connaisses et que tu ne sois pas étonné. Même si tu sais que telle chose rentre dans l'épreuve, tu ne seras pas étonné si jamais une épreuve t'attend. Si jamais une épreuve t'arrive, tu ne seras pas étonné. Non. Donc Allah Ta'ala dit, certes, nous vous éprouverons par un peu de peur. Bishay'in min al-khawf. Wal-ju'a. Un peu de faim. Non. Wa naqsin min amwal. Et un peu de diminution de biens. Naam, nasbin amwal. Ou l'infos. Diminution de personnes. Naam, ou samarat. Diminution de récolte. Ce que vous récoltez, les fruits, etc. Naam, les dattes, le blé. Naam. Et ensuite, ou bashir sabirin. Et annonce la nouvelle à qui? Aux endurants. Ça veut dire ici quoi? Ça veut dire que Allah Ta'ala veut te dire que moi, quand je te donne des épreuves, ce n'est pas parce que je veux te faire du mal. La preuve, j'ai dit à la fin du verset, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Donc, je te fais le mal. Toi, tu crois que c'est un mal, mais en fait, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est quelque chose de bien pour toi. Naam. Mais qui des gens, yani, sera apte à avoir cette récompense qui l'attend pour avoir patienté? Il y a des gens qui patientent et qui n'auront pas ça. Ce sont qui? Allah Ta'ala l'a montré, il a dit, الذين إذا أصابتهم مصيبة. Ce sont ceux qui, lorsque un malheur les atteint, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ils disent, إنا لله, à Allah nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Quand tu dis, à Allah nous appartenons, ça veut dire que tu reconnais que, puisque tu appartiens à lui, donc il est libre de faire de lui ce qu'il veut. Ça, moi, quand mon stylo m'appartient, ça veut dire que je fais de mon stylo ce que je veux. Non, pourquoi? Parce qu'il m'appartient. Maintenant, si tu reconnais que tu appartiens à Allah Ta'ala, alors sache que l'esclave n'a pas le droit de parler devant son maître. Il n'a pas le droit de lui dire pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Tu as reconnu ta servitude. C'est pour ça que tu dis Inna lillah. Naam. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que nous allons retourner. Donc, c'est vers lui. Donc, tu te fais rappeler qu'il y a un retour vers lui qui t'attend. Pourquoi? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la récompense d'avoir patienté à ce malheur qui t'est arrivé. Ensuite, si tu remarques avec moi, regarde pourquoi Allah ta'ala dit, certes, nous vous éprouvons par un peu de peur. Il a dit un peu de peur, un peu de pain, de faim, un peu de diminution de bien ça. Pourquoi il a employé un peu? Parce que si Allah Ta'ala va nous éprouver avec seulement, avec toute la peur, non, ah, on va tous mourir. Non, avec toute la faim, pas un peu de faim, on va tous mourir. Si Allah Ta'ala va diminuer tous nos biens, on va tous mourir. Si Allah Ta'ala va faire mourir toutes les personnes, on va tous mourir comme ça. Mais il a dit un peu, juste un peu, non, un peu de peur, de quoi peut-être on va avoir peur. Ah, il y a beaucoup de choses qui font peur. Là, des fois, la peur des ennemis. La peur des ennemis, quand eux, ils sont forts, et nous, on est faibles. Quand eux, ils construisent presque, je ne sais pas, chaque mois, il y a des bombes atomiques, des bombes hydrogènes, des bombes, je ne sais pas quoi, et que nous, yani, on a tout juste un revolver ou un fusil. Non, les musulmans sont là en train de dormir, et regarde les juifs, etc., ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de construire. Donc, c'est normal que tu aies peur. C'est normal que. Donc, et si tu n'as pas peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu rentres dans ce qu'on appelle en arabe le ghurur. Le ghurur. Non, tu te vantes pour des choses qui ne sont pas vraies. Non, il a dit, et bien sûr, on a peur de beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Non. Et on a peur de la faim. De la faim. Vous savez que là, au moment où on est en train de parler, il y a des gens, beaucoup de gens qui ne mangent pas. Qui mangent difficilement dans les pays yani, retranchés où il y a vraiment la famine, etc. De diminution de biens. Diminution de biens. Hein? Tu as des biens et des fois, ces biens partent. Des fois, elles partent ou bien par des choses qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les tremblements de terre et ce qui ressemble à ça, qui te fait démolir ta maison, qui te fait prendre ta voiture. Les feux, les incendies, etc. Ou bien par des choses yani, humaines. Comme par exemple, le gouverneur, par exemple, s'il est tyran, par exemple, et te prend tes biens, et te confisque tes biens. Hein? Beaucoup de gens étaient riches et s'est trouvés pauvres. Et illégalement, on les lui a pris peut-être de force. Dans ce cas, ça aussi, ça rentre dans l'épreuve. L'épreuve. Il a dit les personnes. Des fois, on est éprouvé. Non, par la perte de personnes, personnes chères, nos enfants, nos parents, non, les personnes qu'on aime, les proches, non, ça aussi, ça rentre dans l'épreuve. Et il a dit des récoltes, yani, ce qu'on récolte, ce que récoltent les gens, les agriculteurs, etc. Mais Bachir Sabirin, mais annonce la bonne nouvelle aux endurants, car tout ça, ce n'est pas le mal pour le mal. Mais c'est le mal pour le bien. C'est pour discerner qui sont les vrais, qui sont les faux. Allah Ta'ala sait qui sont les vrais, qui sont les faux. Mais pour te le montrer à toi, pour qu'ils te disent, regarde, tu es un faux. Tu prétendais la foi, etc. Regarde, je t'ai donné une épreuve, tu as fait quoi? Tu n'as pas pu tenir. Je t'ai donné une épreuve, qu'est-ce que tu as fait? Tu as insulté Allah Ta'ala. Je t'ai donné une épreuve, tu m'as insulté. Non, au lieu de dire, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il y a des gens qui, lorsqu'on leur annonce quelque chose de plus ou moins grave, après, il y a des choses, ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ta'ala nous préserve. Et d'autres, s'ils n'insultent pas, ils quoi? Ils s'insurgent contre le sort et le décret d'Allah ta'ala en disant que c'est injuste. Pourquoi ces choses n'arrivent qu'à moi? Pourquoi mon voisin qui est un chrétien ou qui, je ne sais pas quoi, un soufi ou la plein de bida, et il lui arrive rien? Et moi, qui fais la prière de la nuit et qui jeûne lundi, jeudi, etc., et qui seulement dit hier, j'ai aidé des pauvres, et maintenant, il m'est arrivé telle chose, ma maison a été brûlée, incendiée, et celle de mon voisin qui boit l'alcool dans sa maison et fait la fornication, ça, sa maison n'a pas été brûlée. Et il veut montrer à Allah Ta'ala que c'était pas comme ça, et que normalement, c'est la maison du voisin qui se brûle et pas la mienne. Subhanallah l'azim. Toi, tu veux yani, montrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah l'azim. Ça me rappelle un peu les khawarij et les takfiri que Allah ta'ala cite dans le Coran. Lorsqu'ils voulaient la guerre. Naam. Allah ta'ala leur dit, c'est pas le moment. Préparez-vous, c'est tout. Vous êtes à la Mecque, vous êtes pauvres, vous êtes faibles, vous pouvez pas. Alam tara illadhina qila lahum kufuwa aydiyakum. Ne faites rien avec vos mains. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment de la guerre, ce n'est pas le moment de la bataille. Seulement, aqimu salat, etu zakat. entraînez-vous sur la aqida, sur le minhaj. Naam. Et falamma kutiba alayhim al-qital, et lorsque le moment est venu du combat et du djihad, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, Rabbana laula akhartana. Ils ont dit, Ya Rabbi, si tu nous avais un peu, laissé la guerre pour une autre fois, c'est pas maintenant, c'est pas son moment. Subhanallah, l'adhim. Toi qui disais que c'est le moment, etc., quand Allah Ta'ala, et le messager d'Allah t'a dit ce n'est pas le moment, tu as dit non, c'est le moment. Comment ça? On nous a fait sortir de nos pays, de nos maisons, ceci, on a fait à nos femmes, ceci, cela. Allah Ta'ala te dit non, mais ça fait rien, c'est pas le moment, tu n'es pas prêt. Et quand c'est le moment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas le moment, et Allah, si tu nous avais un peu retardé, etc. Ils veulent donner quoi? Des nasihat à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent même lui montrer, quel est le moment opportun. Ce n'est pas celui-là. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, فَالصَّبْرُ يَكُونُ عِنْدِ الْبَلَاءِ. Il dit, الصبر. La patience, la vraie, c'est quand est-ce? C'est quand c'est le malheur. Et la meilleure patience, c'est celle qui vient, quand est-ce? C'est dans le premier choc. Dans le premier choc, lors du premier choc, c'est là qu'on reconnaît le véridique du faux. Lors du premier choc, c'est là qu'on reconnaît celui qui est sincère avec celui qui bluffait, c'est tout. Non. Parce que tout le monde maintenant, tout le monde dit, je suis mashallah, je suis pur, je suis sincère. Tout le monde le dit, c'est très facile de le dire, de leur dire. Tu peux le répéter 100 jusqu'à 1000 fois par jour, c'est très facile. Mais seule l'épreuve va déterminer quel est le véridique du faux. Dans l'épreuve, Allah Ta'ala va donner une épreuve, la même épreuve va la donner à deux personnes. La première personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'homme ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Non. Et elle va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à sortir, de cette indemne, de cette épreuve. Et la même épreuve, Allah Ta'ala va la donner à la deuxième personne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va insulter Allah subhanahu wa ta'ala, ou elle va insulter l'islam, ou bien elle va insulter le Coran, ou bien comme d'autres personnes qui, lorsque Allah Ta'ala leur donne les épreuves, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent la salat. Non. Pourquoi tu fais plus la salat? J'en peux pas. J'en peux plus. Trop d'épreuves. Je suis éprouvé. Tu es éprouvé. Le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il faisait lorsque il recevait une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qu'il faisait? Dakhala fi salat. Allahu Akbar. Le messager d'Allah, quand il avait quelque chose, il entendait quelque chose de mal, ou là une mauvaise nouvelle, ou là la première des choses qu'il faisait, qu'est-ce qu'il faisait? Allahu Akbar. Et il fait deux rak'at, il rentre dans la salat. Et d'autres gens, quand il y a un malheur, qu'est-ce qu'ils font? Ils délaissent la salat. Ils quittent la salat. Ils disent, je peux pas. C'est beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Ne sais-tu pas que c'est la salat qui va t'aider à surmonter l'épreuve? Ne sais-tu pas ça? Usta'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Usta'inu, aidez-vous avec quoi? Bis-sabr. Sabr, la patience. Was-salat. Was-salat. Ce n'est pas la patience elle-même. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'âne est patient. L'âne, il reste du matin au soir sans manger. Il reste dans le pré, sans boire, sans manger, le soleil sur sa tête. Il est patient. Est-ce qu'il aura des récompenses? Il n'aura rien. Pourquoi? Il n'y a pas de salat. L'âne ne fait pas la salat. Isti'inu bis-sabri was-salah. Le messager d'Allah rentrait dans la prière directement quand il y avait quoi? Commencer par la salat quand il y avait un problème. Maintenant, les gens, quand il y a un problème, ils délaissent la salat. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Allahumma ahfazna ya Rabbi. Il a dit, wa hadha unwan as-sabr al-haqiqi. Il a dit, la vraie, vraie patience, c'est la patience dans le choc, dans le premier choc. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مر بها وهي تبكي عند القبر قال لها اتق الله واصبري. Il a dit exactement comme le messager d'Allah عليه السلام lorsqu'il est passé une fois devant une femme qui était où? Elle était dans le cimetière. Elle était devant une tombe en train de pleurer son enfant. Le messager d'Allah عليه السلام quand il l'a vu lui a dit اتق الله واصبري. اتق الله, crains Allah سبحانه وتعالى Arrête de pleurer comme ça. Ousbéré, et patiente. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ilayka anni. Elle a dit, éloigne-toi de moi. Nam tusabbi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi qui est arrivé le malheur. Ou bien, tu n'as pas été atteint du malheur dont j'étais atteint. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu dis comme ça. Non, c'est pour ça que tu dis ousbéré. Si tu avais été atteint du même malheur que moi, tu n'aurais pas dit cette phrase. Bien sûr, quand elle a dit ça, on lui a dit. Les compagnons qui étaient avec le messager d'Allah lui ont dit. Lui ont dit, c'est Rasoul, celui-là. Celui-là qui t'a dit comme ça, c'est le messager. Elle a dit, je ne l'ai pas reconnu. Et bien sûr, elle a couru, lui, il est parti. Elle a couru vers lui, le rejoindre à la maison pour lui dire, Ya Rasulallah, excuse-moi, je ne savais pas que c'était toi. C'est-à-dire, elle ne l'avait jamais vu. Elle a dit, je ne savais pas que c'était toi. Qu'est-ce qu'il lui a dit ici? Il lui a dit, Innama sabru inda sadmatil ula. Il lui a dit, justement, la patience, c'est dans le premier choc. Dans le premier choc, c'est là qu'on connaît la personne, si elle est véridique ou elle ne l'est pas. Car après le choc passé, une semaine ou là un mois, tout le monde est patient. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont eu de grandes, grandes épreuves et qui, 5 ans après ou là 10 ans, n'est pas patient? Il est patient après une année, après 5 ans, tout le monde est patient. Mais nous, on parle de la minute elle-même. La minute. Non. Est-ce que là, on est patient ou pas? Et si jamais on nous demandait de donner un exemple parfait, de la perfection, Allah l'adhim, qui montre la patience dans l'épreuve, c'est vraiment le cas de qui? Le cas de qui? Vous l'aurez compris. Quelle est la femme qui avait perdu son enfant et qui ne l'a pas dit à son mari la nuit? Et mieux que ça, la même nuit, elle s'est bien maquillée et s'est habillée de ses meilleurs habits pour attirer son mari. Et justement, elle l'a attiré et il a eu ce qu'il a voulu d'elle. Et ce n'est que le lendemain, elle lui a dit que, pas le lendemain, quand ils ont terminé la chose, elle lui a dit que ton fils est mort. Non, parce qu'auparavant, il a demandé comment il va. Elle a dit, oh là, vraiment, il est calme. Elle n'a pas menti. Parce que quelqu'un de mort, c'est quelqu'un qui est calme, qui ne bouge pas. Elle a dit, il ne bouge pas, il est calme, subhanallah. Et rien, aucun indice ne montrait en elle qu'elle venait de perdre son enfant. Naam. Radiyallahu ta'ala anha. Radiyallahu ta'ala anha. Naam. Et bien sûr, elle a été même citée dans le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah ta'ala, en contrepartie, lui a donné, puisqu'elle a. Elle a patienté. Et quelle patience, subhanallah, Allah Ta'ala lui a donné en revanche, pour lui avoir pris cet enfant, il lui a donné qui? Il lui a donné un autre enfant, qu'on a appelé Abdullah. Et cet enfant, Allah Ta'ala a fait engendrer de lui, cet enfant, quand il s'est marié, il a eu 10 enfants, tous qui apprenaient le Coran par cœur. Subhanallah, non, parce qu'elle a patienté. Allah Ta'ala lui a donné un enfant, et cet enfant, de cet enfant, 10 enfants qui tous ont appris le Coran par cœur. Allahu Akbar. Patience. Est-ce qu'il y a de nos jours une femme qui pourrait faire cette chose? Est-ce qu'il y a de nos jours une femme qui, sans son enfant, je ne lui souhaite pas, son enfant meurt et yani, elle patiente au point que son mari ne le saura même pas. Elle lui dit, Alhamdoulilah, il va. Il est très calme, masha'Allah. Naam. Et la nuit, ensuite, quand ils ont terminé la chose, elle a dit à son mari, elle lui a dit, dis-moi, si jamais les voisins nous prennent une chose, à fois nous prêtent une chose, ensuite ils veulent leur chose, est-ce qu'on peut la leur interdire? Elle a dit non, c'est leur chose, on doit la lui rendre. Elle lui a dit donc, la amana qu'Allah Ta'ala nous a donnée, c'est-à-dire l'enfant, il l'a prise. Et là, bien sûr, il s'est tu. Il s'est un peu énervé. Énervé parce que qu'elle ait attendu qu'il soit en janaba, qu'il soit en pollution nocturne, pour qu'elle lui dise ça. Il s'est énervé en ce sens. Il a dit, pourquoi tu me dis ça maintenant que je suis en janaba? Mais, yani, il ne lui a pas dit pourquoi tu m'as caché la mort de l'enfant ou là ou là. C'est le mohim. Il a dit, أما بعد أن تبرد الصدمة فإن الصبر يكون سهلا Voilà, il y en a l'oubli comme le somme. Il a dit maintenant, si on attend, jusqu'à ce que yani, le choc devienne, disons, tabrod, yani, le choc est passé. Il a dit, si on attend que le choc passe, il a dit là, bien sûr, la patience sera très facile. Il a dit, Ahlus sunnati wal jama'ati, ya'muruna bis-sabri 'inda al-bala. Il a dit, les gens de la sunna et du consensus commandent la patience face aux épreuves. Moi-même, une insane. Et il n'y a aucune personne, il la yubtala. Il n'y a aucune personne dans cette vie qui ne soit pas éprouvée. Imma fi nafsihi, soit dans son âme, dans son corps. Imma fi ahlihi, soit dans sa famille. Avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec son père, avec sa mère, avec ses frères, avec ses soeurs. Wa imma fi malihi, ou bien dans ses biens. Il sera éprouvé dans ses biens, ce qu'il possède. Non, sa maison, sa voiture, sa ferme. Non. Ou imma fi sahbihi, ou bien ses amis, il sera éprouvé par son entourage, par son entourage. Ou imma fi baladihi, ou bien il sera éprouvé dans son pays. Dans son pays, non, une grande épreuve l'attend. Ou bien dans sa ville, dans la ville où il vit, dans le village, il sera éprouvé. Ou imma fi muslimina amma, ou bien parmi tous les musulmans. Non. Ou yakunu dhalika imma fi dunya ou imma fi din. Et l'épreuve que chaque être humain doit avoir sera ou bien dans la religion ou bien dans la dunya. Wal musibatu fi dini a'zam bikathir min musibati fi dunya. Il a dit, et l'épreuve qui t'arrive dans la religion est vraiment, vraiment, vraiment très grande que l'épreuve qui t'arrive dans la dunya. Parce que l'épreuve qui t'arrive dans la dunya, maximum, c'est quoi? Maximum, tu as perdu des choses de valeur. Tu as perdu de l'or, tu as perdu des millions, tu as perdu des milliards. Ça, c'est le maximum. Mais est-ce que tu as perdu le paradis? Tu ne l'as pas perdu. Toi, tu vis pour le paradis. Non. Mais l'épreuve dans quoi? Dans le dîn, c'est vraiment difficile et des fois, c'est grave. Des fois, quelqu'un est éprouvé et qu'est-ce qui se passe? Et il apostasie. Il devient kafir. Et il va jeter l'islam et il va rentrer avec les bouddhistes, par exemple. Bien, il va rentrer avec les chrétiens. Subhanallah, ça c'est vraiment une épreuve. Ça c'est vraiment une épreuve. Citer, je cite en passant, une de nos mères, radiallahu ta'ala anha, qui est allée en Abyssinie avec son mari, pour yani, la da'wah, elle a eu peur. Ils se sont enfuis avec l'ordre du message de là de s'enfuir vers de faire la hijra vers l'Abyssinie. L'Abyssinie. C'est qui celle-là? C'est on est si je me rappelle bien, c'est attendez, son nom est entre mes lèvres. Son mari c'est Ubaydullah ibn Jahsh. Son mari c'est Ubaydullah ibn Jahsh. Donc c'est l'une, yani, qui va être bien sûr l'une des épouses du messager d'Allah. Rappelez-moi son prénom, il est très connu, le Mohim. Je vais le dire dans quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie avec son mari là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son mari, subhanallah al-Adhim, qui est parti là-bas pour s'enfuir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a apostasié. Il est rentré dans quoi? Il est rentré dans le christianisme. Elle s'appelle Ramla. Elle s'appelle Ramla. Et c'est la fille de Hind, de Abu Sofyan. Elle s'appelle Ramla. Subhanallah. Et sa kunya, c'est Habiba. Habiba. Subhanallah. Et là-bas, imaginez, toute seule, dans un pays de kuffar, là-bas, toute seule, qu'est-ce qui va se passer? Partir avec son mari seulement et un enfant, toute seule, l'enfant elle l'a eu là-bas, toute seule, elle va être abandonnée par son mari, qui va apostasier, devenir chrétien, et elle se retrouvera toute seule là-bas. Subhanallah. C'est une épreuve ou c'est pas une épreuve? Imagine ton mari, ici, là où il est avec toi, il apostasie. Déjà, c'est très grave. Comment se fait-il? Il te laisse dans un pays là-bas, en Éthiopie, des milliers de kilomètres, subhanallah, toute seule avec son enfant. Mais est-ce que Allah Ta'ala l'a laissé? Allah Ta'ala ne l'a pas laissé. Elle a patienté alors que son mari lui faisait le chantage. Il lui disait, il faut que toi-même tu deviennes chrétienne. Regarde, je suis devenu riche. Donc tu vas mourir yani de faim. Tu vas mourir abandonné, etc. Elle a tenu en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala l'a quoi? L'a gratifié de quoi? Pour sa patience, son endurance, lui a envoyé yani, un émissaire là-bas, chez qui? Chez le gouverneur d'Abbasini, hein, pour qu'il demande à qui? Il demande qu'il marie cette femme avec qui? Il la marie, yani avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, le messager d'Allah lui a demandé sa main là-bas quand elle était en Abbasini et il s'est marié avec elle. Ça, c'est Allah Ta'ala qui l'a gratifié. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle a enduré là-bas toute seule. Quiconque tient Allah subhanahu wa ta'ala, il est sincère avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala va quoi? Va lui faire une issue, comme il a promis dans le Coran. Il a dit. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين. Il a dit, les gens de la sunna et du consensus. Non. Il a dit, ils ordonnent le bien, ils ordonnent la patience dans les deux choses. Dans les deux choses. C'est-à-dire, si l'épreuve est dans la dunya et si l'épreuve est dans le din. Il a dit, si l'épreuve est dans la dunya, qu'est-ce qu'on doit faire? Si l'épreuve est dans la dunya, c'est de quoi? C'est de yani, d'endurer pour yani, Inch'Allah Ta'ala, yani, vaincre les moments difficiles et sortir de ces difficultés. Mais maintenant, il a dit si la musiba, non, si le malheur est dans la religion, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit raffermir son cœur, non? Pourquoi? Pour rester dans ce dîn, de rester inébranlable. Il ne faut pas qu'il s'ébranle, il faut qu'il soit comme une montagne. Non? Pourquoi? Pour que, yani, pour sortir de cette épreuve vainqueur. Pourquoi Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. L'Ankabut 10. Écoutez bien ce verset. Allah Ta'ala dit, il y a parmi les gens des gens qui disent nous croyons en Allah Azzawajal. Puis, si on leur fait un mal pour la cause d'Allah, si les gens leur font un petit mal pour la cause d'Allah, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils vont, yani, subhanallah, ils vont de l'autre côté. Subhanallah. Ouais, et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils font? فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سبحانه وتعالى كعذاب الله. Puis, si on leur fait un mal pour la cause d'Allah Azzawajal, ils considèrent cette épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Ils disent, c'est Allah Ta'ala qui nous a châtiés, donc, et ils apostasient. Donc, il y a des gens qui croient, qui disent on croit en Allah Ta'ala. Mais dès que leur vient une épreuve des hommes, hein, de quelques hommes, quelques êtres humains leur font du mal ou là, classe vite, il apostasie. Et cela, c'est comme ceux qui ont été cités dans un autre verset, que n'a pas cité le cheikh ici, où Allah Ta'ala a dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il a dit, il y a des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala marginalement. S'il leur arrive un bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent leur visage, c'est-à-dire ils apostasient, perdant ainsi le bien d'ici-bas et l'au-delà. Subhanallah. Le Hajj 11. Donc il y a des gens qui adorent Allah Ta'ala, yani, marginalement. Marginalement, ils attendent. S'il leur arrive un bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont tranquilles. Masha'Allah. Cet islam, masha'Allah. Il n'y a que le bien, il n'y a que la rahma, il n'y a que l'argent, il n'y a masha'Allah. Mais si jamais il leur arrive un mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils apostasient et ils ne veulent plus de cet islam. Alors ils perdent ici. Ils perdent quoi? La belle vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et certains savants ont cité qui? Ont cité par exemple les kuffars qui autrefois rentraient en islam. Vous savez que les Arabes d'autrefois, qu'ils aimaient beaucoup plus le garçon que la fille. Vous savez que les Arabes avaient cette mauvaise habitude de yani, d'aimer l'enfant plus que le garçon, plus que la fille. Et même certains, quand ils rentraient en islam, nam, et si leur femme tombait enceinte et donnait un garçon, oh, ils disent, Masha'Allah, quelle ni'ma! Regardez ce que nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala, masha'Allah. Hein? Mais si jamais ils ont une fille, classe, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'islam, ils disent comment moi je suis rentré en islam, et Allah ta'ala, yani, il me donne une fille, donc celui-là, il ne veut pas du bien, et donc j'ai pas envie de cet islam, et l'apostasie, a'oudoubillah. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Quand c'est quelque chose de bien, ils sont tranquillisés, masha'Allah. Et s'il leur arrive un petit mal, c'est quoi? Il se rebelle, il se. C'est comme si celui qui donne le bien et celui qui donne le mal, ce n'est pas un seul Dieu. C'est comme s'il y en avait deux. Celui qui t'a donné le bien peut t'éprouver et te donner le mal. Le mal qui est un bien en lui-même. Tout mal est un bien en lui-même. Que tu le sentes ou pas, que tu le saches ou pas. Pourquoi le mal est un bien? On l'a expliqué plusieurs fois. Non, Allah Ta'ala ne crée pas le mal parce qu'il est un mal. Il crée le mal, mais il devient mal, c'est quand les gens le font, ou bien quand il descend comme une épreuve. Et quand il descend comme une épreuve, c'est pour le bien des gens, c'est pas pour leur mal, c'est pour leur bien. Non, quand quelqu'un va, je ne sais pas, c'est le jour de son mariage ou là, il y a par exemple cette habitude que tout le monde voudrait que ce soit ce jour-là, un jour ensoleillé, un jour pour la fête, pour le cortège, pour s'il y a la pluie, etc., ça dérange. Surtout s'il y a le vent, s'il y a la neige, s'il y a. Mais ce mal-là qui est pour toi, toi le marié, et toi la mariée, si c'est un mal pour toi, tu as oublié tous les autres gens, les agriculteurs, les fermiers, les hein, qui ça fait longtemps, ça fait presque une année que la pluie n'est pas tombée. C'est un bien ou c'est un mal? C'est un grand bien celui-là. Non, comparé au petit mal qui t'est arrivé à toi particulièrement. C'est un grand bien pour la Ummah, pour le pays, hein, pour les musulmans, pour les bêtes, pour les arbres, pour la terre. Ensuite, il a dit. Ensuite, il a dit les savants. Non, il a dit wa ayyuhuma ashaq. Qu'est-ce qui est plus difficile? De patienter face à l'épreuve ou bien de quoi? Ou bien de remercier quand il y a l'aisance. Parce que tout à l'heure, on a dit que les gens de la Sunna, qu'est-ce qu'ils disent? Ils commandent la patience face à l'épreuve et ils commencent la gratitude quand il y a aisance. Quand il y a aisance, on dit, Masha'Allah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum wa la in shakartum la zidannakum. Ce n'est pas comme les kuffars qui, lorsqu'il y a une épreuve, ils ne patientent pas pour Allah Ta'ala. Et s'il y a de l'aisance, hein, ils ne remercient pas Allah Ta'ala. Ils disent c'est nous qui avons travaillé, c'est nous qui avons fait cette chose, c'est nous qui avons sué, c'est nous ceci, c'est nous cela. Ils disent jamais c'est Allah Ta'ala qui nous a donné ce bienfait. Donc, ici, Cheikh Ibn Uthaymeen pose une question. Il dit, qu'est-ce qui est plus difficile? Car patienter face à l'épreuve, c'est quoi? C'est difficile. Et, yani, bon, et la gratitude dans l'aisance, c'est aussi difficile. Ce n'est pas tout le monde fait ça. Qu'est-ce qui est plus difficile? Il a dit, les savants ont divergé sur cette chose. Certains ont dit, certains ont dit, le fait de patienter face à l'épreuve, c'est ça le plus difficile. Et d'autres ont dit, au contraire, la gratitude dans l'aisance, c'est ça ce qui est difficile. C'est ça ce qui est difficile. Au sawab, il a dit, et le plus juste, c'est quoi? Il a dit, le plus juste, c'est de dire que les deux, que ce soit la patience face à l'épreuve ou bien la gratitude face à l'aisance, les deux yani, ont leurs difficultés. Il a cité un verset où Allah Ta'ala dit وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Il a dit, et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part et qu'ensuite nous la lui enlevons, on lui enlève cette grâce, ce bienfait, qu'est-ce qui va se passer? Le voilà désespéré et ingrat. Non. لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لا فارح فخور. Et aussi, si nous lui faisons goûter le bonheur, ce n'est pas l'épreuve, et si nous lui faisons goûter le bonheur après qu'un malheur l'ait touché, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte, plein de gloriole. Naam. Regardez, donc dans les deux cas, Allah Ta'ala cité que dans les deux cas, c'était difficile pour celui qui n'est pas sincère, qui n'est pas pieux. Pourquoi? Si nous faisons goûter à l'homme, si une personne, on va lui donner une grâce, Allah Ta'ala va lui donner un bienfait, la richesse, les enfants, etc. Et qu'ensuite, on va la lui prendre. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut, on n'a pas le droit de lui demander pourquoi tu m'as donné un enfant, tu me l'as pris. Pourquoi tu m'as donné de la richesse, tu me l'as prise. On n'a pas le droit de lui demander ça. C'est lui le sage, le plus sage. Il sait pourquoi. S'il te laisse ça, ça va te faire un grand mal que tu ne sais pas. Comme dans Sourate Al-Kahf, celui qui a le Khadir quand il a tué l'enfant. Il a montré pourquoi la sagesse, que cet enfant allait devenir kuffar et allait faire beaucoup de malheur à ses parents. Non? Donc, Allah Ta'ala sait, ce n'est pas toi qui sais. S'il te donne une ni'ma et t'enlève, et te la enlève, il a dit ici, si nous donnons une ni'ma à quelqu'un de notre part, ensuite on la lui enlève. Le voilà désespéré et ingrat. Normalement, s'il était véridique et sincère, il ne désespère pas. Il ne devient pas ingrat. Mais il dit, Alhamdulillah ala kulli hal, qaddara Allahu ma sha fa'al, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayrina, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est comme ça qu'on doit faire. Et si maintenant le contraire, et si nous lui faisons goûter le bonheur après qu'un malheur l'ait touché? Maintenant quelqu'un avait un grand malheur et maintenant Allah Azza wa Jal va lui donner un grand bonheur. Un grand bonheur. Normalement, qu'est-ce qu'il va dire? Normalement, Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Alhamdulillah, ya Rabb, ma a'zamak. Ya Rabb, ya Rabb. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Il dira, les maux se sont éloignés de moi et le voilà qui exulte plein de gloriole. Il ne va pas dire c'est Allah Ta'ala qui a éloigné de moi les maux et Alhamdulillah, en récompense, il m'a donné tout ce bonheur ou ce bien. Mais il va dire, se sont éloignés de moi. Ce n'est pas Allah qui les a éloignés. Ils se sont éloignés. Ou bien, c'est moi qui les ai éloignés. Ou bien, c'est X et Y. Ou bien, c'est ma sueur, le fait de travailler du matin au soir. Voilà. C'est le fait de travailler du matin au soir et de suer qui a été la cause pour que, yani, pour que la pauvreté se soit éloignée de moi. Ce n'est pas Allah Ta'ala qui m'a rendu riche. Subhanallah. Bon, il ne le dit pas avec la langue, mais c'est comme s'il le disait. Non. Donc, vous voyez que dans les deux cas, c'est difficile. C'est difficile dans les deux cas. Il a dit, لكن كل منهما قد يهونه بعد التفكير. Il a dit, mais si la personne réfléchissait vraiment et méditait, elle sortirait, Inch'Allah Ta'ala, comme vainqueur des épreuves. S'il va dire, par exemple, quand il y a un malheur, s'il va dire, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire, Inna jaza'i la yardul musibata wa la yarfa'wa. Il a dit, par exemple, quelqu'un va avoir un malheur, il va dire, le fait, par exemple, que j'insulte Allah, ou que je dise des gros mots, ou que je me frappe le visage, ou que je déchire mes vêtements, ou que. Est-ce que cette chose va faire de sorte d'arrêter ce malheur? Si j'ai perdu mon enfant, et que je commence à crier, à hurler, à me frapper le visage, à dire que Allah Ta'ala est injuste, etc. Est-ce que cette chose va te rendre ton enfant? Voilà la question, c'est ça le plus important. Est-ce que le malheur, il va disparaître en faisant ces choses-là? Alors que le malheur est déjà arrivé, là c'est trop tard. Il a dit, fais imma an asbir, donc je n'ai plus de solution. Ou bien, je patiente comme Allah Ta'ala l'a ordonné. Ou bien, la patience, sera de force. Il a dit, comme les animaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'âne qui va patienter du matin au soir. Non. Parce que toi, l'épreuve maintenant est arrivée aujourd'hui. 2, 3, 4 jours, 1 semaine, 10 jours, tu seras patient, que tu le veuilles ou pas. Donc choisis. Pourquoi tu ne choisis pas? La première patience que Allah Ta'ala aime. La patience où en même temps il y a quoi? Il y a retour vers Allah. Il y a reconnaissance que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où il y a les douas, Il y a le dhikr. Naam. Pourquoi choisir la patience des animaux? Pourquoi choisir la patience des animaux? Wakadalika, wakadalika alladhi fi raha'in wa. Il a dit, et la même chose pourquoi? La même chose pour la personne qui maintenant, mashallah, se trouve dans l'aisance. Il a dit la même chose. Cette personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit dire alhamdoulillah, car en fait, un bienfait ou une grâce, quand elle arrive, elle est venue de qui? Elle est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a dit dans le Coran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Le verset est très clair. An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'ma fa min Allah. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Même si Allah Ta'ala fait de sorte que ce sont des personnes qui te ramènent ce bienfait. Naam. Allah Ta'ala ne va pas te descendre ce bienfait directement comme ça du ciel. Il va employer certaines personnes. Mais est-ce que c'est la personne qui m'a donné cette chose si Allah Ta'ala n'avait pas voulu qu'elle m'arrive? C'est pas possible. C'est pas possible. Allah Ta'ala, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise. Il utilise des fois d'autres personnes. Même des fois, il utilise des koufars. Des fois, il utilise des animaux pour que le bienfait arrive. Je cite par exemple, quand par exemple un kafir par exemple, il va critiquer par exemple l'islam. Et il va écrire quelque chose contre l'islam. Et il va. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a critiqué l'islam, il a écrit un livre contre l'islam. L'islam, c'est le terrorisme, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il travaille l'islam. Il le travaille. Car lui, en écrivant un livre sur l'islam ou quelque chose en parlant, qu'est-ce qui va se passer? Les musulmans, alors, qui vont entendre ça, et les savants, alors plein de jalousie pour défendre le dîn, lui, il a écrit un livre, eux, ils vont écrire 1000 livres. Chaque savant va écrire quelque chose pour montrer que ce qu'a dit cette personne, ce n'est pas vrai. Que l'islam, c'est tout à fait le contraire. Et comme ça. Vous n'avez pas remarqué? Regardez, seulement pour ce qui s'est passé le 11 septembre, le fameux 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé à New York, ou là, je ne sais pas où, ce qui s'est passé, ce que vous connaissez. Des milliers de gens sont rentrés en islam à partir de ce qui s'est passé. Les gens ont voulu faire cette bombe-là. Pourquoi? En fait, c'était pour dénigrer l'islam, pour dire, regardez les musulmans ce qu'ils font. Vous dites l'islam, regardez les musulmans. Ce sont des terroristes, des voyous, des sanguinaires, des ceci, des cela. Eh bien, ça s'est retourné contre eux. Des milliers de musulmans, des milliers de kofars sont rentrés. Ah bon, c'est l'islam, c'est quoi cet islam? L'islam dit, il faut faire ça. Montrez-moi c'est quoi. Coran, Sunna, et dit, non, c'est pas ça l'islam. Moi, j'aime cet islam. Ils sont rentrés en islam, des milliers, si ce n'est pas des millions. Comme les statistiques le montrent, et bien sûr, les gens ne veulent pas le dire. Les kofars ne veulent pas te dire ce qui s'est passé, la vérité. Regardez seulement, par exemple, l'histoire, ça va venir cette histoire, Inch'Allah, dans Riyad Salihin bientôt. L'histoire de la personne qui a tué l'enfant là, il l'a tué pour que les gens ne rentrent pas en islam. Et cet enfant, bien sûr, lui a dit, ce garçon, Yannick, tu ne pourras pas me tuer. C'est l'histoire du sorcier, ça. Et lui a dit, mais je vais te montrer comment me tuer. Si tu veux me tuer, parce qu'il a essayé de tuer, il n'a pas pu. Il a dit, tu vas creuser des tranchées, et il lui a dit, tu vas prendre une flèche, tu la mettre, tu la mets dans l'arc, et tu dis, Bismillah, Rabbel Ghulam. Bismillah, le Seigneur de ce garçon. Et là-bas, tu pourras m'atteindre. Et c'est ce qu'il a. Il a dit, Bismillah, Rabbel Ghulam. Il a tiré avec l'arc, il l'a tué. La flèche sur la tempe. Et le Mohim, il a voulu faire du mal. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, quand ils ont entendu Rabbel Ghulam, il a essayé plusieurs fois de le tuer. Il n'a pas pu en disant Rabbel Ghulam. Il a pu le tuer, il a dit, tous, nous tous, on croit en Rabbel Ghulam. On croit au Seigneur de ce garçon. C'est des milliers de gens qui sont rentrés dans l'islam. Lui, il croyait faire du mal. Et voilà que tout le monde est rentré en islam. Le Mohim, quand je disais que ce kafir écrivait un livre, etc., pour faire du mal à l'islam, ça nous rappelle le hadith authentique du messager d'Allah, où il est dit quoi? Il a dit, Inna Allah la yansuru hadd din bi rajulil fajr. Allah Ta'ala fera vaincre va triompher. Cette religion avec qui? Avec le pervers et avec le kafir. Non, comment il a fait triompher? Comme ça. Lui, il va faire des choses en croyant qu'il va faire du mal à l'islam. Et voilà que la réplique, c'est quoi? C'est, subhanallah, l'islam qui se propage, yani, partout. Non. Donc, je disais. Donc je dis toute ni'ma vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute ni'ma, hein? Même s'il y a un intermédiaire. Même s'il y a un intermédiaire, c'est pour ça qu'en islam, même l'intermédiaire, on le remercie. Comme a dit le message d'Allah, que celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah ta'ala. Hein? Donc même l'intermédiaire, on le remercie, on lui reconnaît le droit d'avoir fait quelque chose, d'avoir bougé pour nous avoir fait arriver ce bien. Mais le bien, en fait, il provient d'Allah Ta'ala. Car lui, quand j'ai dit, il emploie qui il veut. Des fois, il emploie des êtres humains pour te faire arriver le bien. Des fois, il emploie des kuffars pour te faire arriver le bien. Et des fois, il emploie le vent, il emploie la pluie, il emploie les animaux pour te faire arriver le bien. En citant l'animal qui peut te faire arriver le bien, même un insecte, même. C'est le cas de ce qu'on a cité une ou deux fois dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'on a cité que le compagnon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, quand il a déposé une tente devant les kuffars et il leur a demandé yani, qu'on lui donne à manger, ils n'ont pas accepté. Les kuffars n'ont pas accepté. Alors que s'est-il passé? Alors, yani, Abdullah ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, ma'alish, il a accepté et voilà que un kofar vient en courant pour demander aux musulmans, il leur demande s'il y avait quelqu'un parmi eux qui savait faire la ruqya contre le scorpion. Il a dit parce que notre maître vient d'être mordu ou l'a piqué par un scorpion. Et Abu Sa'id al-Khudri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, certes, on connaît la ruqya, mais on ne fait pas. On ne la fait pas. Tout à l'heure, on vous a demandé à manger, vous n'avez pas accepté. On l'a fait, sauf si vous nous donnez quelque chose en contrepartie. Ils ont dit quoi? Il a dit, vous nous donnerez 30 moutons. Nous sommes 30 ici, chacun un mouton pour que je fasse la ruqya. Et bien sûr, on lui a donné 30 moutons parce que personne, le kafir n'accepte pas qu'il meure. Il a peur de la mort. Il préfère donner 30 moutons que de mourir. Et il lui a fait une ruqya, il lui a lu seulement sourate al-Fatiha 7 fois, et le hadith dit que à la minute même, le kafir n'a plus senti de mal et il s'est relevé, alors qu'il était yani, presque évanoui, subhanallah. Et pourquoi j'ai cité cela? Ici, Allah Ta'ala, quand il a employé un scorpion. Un scorpion, le scorpion que si on le trouve, on le tue. Yani on n'a pas de CIF, on n'a pas de péché si on tue un scorpion. Vous savez, ça rentre dans les 6 qu'on peut tuer, dans les 5 et 6 qu'on peut tuer sans avoir de péché. Le Mouhim, ce scorpion, Allah Ta'ala l'a choisi et lui a dit, toi, je vais t'utiliser, t'employer pour que tu fasses parvenir un bienfait, une grâce à qui? Abu Sa'id al-Khudri, ce compagnon, tu vas être la cause pour qu'il prenne 30 moutons. Regardez, subhanallah, la sagesse d'Allah Ta'ala, comment il choisit un scorpion et il dit à ce scorpion, il lui inspire, bien sûr, il lui dit, tu vas chez les koffars là-bas, tu laisses tout le monde, tu vas spécialement chez le chef. Va chez le chef et mords-le ou le pique-le. Attention que tu piques quelqu'un d'autre. Parce que si tu piques quelqu'un d'autre, on va laisser mourir. Il n'a pas de valeur, mais il faut piquer le chef. C'est lui qui décide. Celui-là, si tu le piques, il sera obligé de donner des moutons. Et le scorpion rentre dans les tentes, je ne sais pas combien ils sont, très nombreux, il laisse toutes les tentes, il choisit la tente où il y a le chef. Et il rentre et il le pique. Pourquoi? Pour donner 30 moutons à qui? À Abu Saïd. Subhanallah, regardez la sagesse d'Allah Ta'ala. Quand il veut te faire parvenir quelque chose, il emploie de ses créatures, des créatures qui jamais tu penses à elles. Jamais. Toi, tu penses qu'un scorpion puisse être la cause pour te donner 30 moutons, pour t'enrichir même. Je ne pense pas. Mais c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reste encore des choses à dire dans la patience, car le prochain dans inshallah ta'ala, c'est quoi? C'est le fait de se résigner au sort d'Allah ta'ala et à son décrit. On le laissera, inshallah ta'ala, pour le prochain dars, bi'idhnillahi azza wa jal. On se rencontrera, inshallah ta'ala, après le dîner, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisque le dars, c'était dans les épreuves, avant. Je viens d'avoir une épreuve dans la cuisine. Quand j'étais dans la cuisine, je viens d'avoir une épreuve. Naam. On m'a posé à manger. Ensuite, quand j'ai presque terminé, alors que je croyais que je mangeais le gratin, vous connaissez le gratin. Alors, j'ai trouvé que ce n'était pas le goût. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? On m'a dit, ça, c'est des aubergines. Ah, wallah, wallah, c'est des aubergines, c'est vrai. Mais ça ressemblait pas parce que après on m'a dit. On les a mis dans la vapeur, ensuite on m'a dit la béchamel, ensuite on m'a dit sauce tomate, on m'a dit le four, on m'a dit, j'ai dit subhanallah, mais de toute façon, pour sortir de, pour vaincre l'épreuve, j'ai pas terminé. Donc j'ai laissé un peu dans l'assiette. J'ai dit, alors là, je peux pas terminer. Voilà, c'était mashallah. Parce qu'il n'y avait pas l'odeur des aubergines, ni la couleur. Il n'y avait rien qui ressemblait, ni l'odeur, ni l'aspect. C'est pour ça que j'ai pu manger. Mais quand il restait juste un peu, j'ai pas pu terminer. Ensuite, j'ai évoqué le hadith qui dit que la sunna, on doit terminer. Mais oh là, j'ai pas pu. Hein, c'était un peu difficile là. Al-Muhim. Ad-Dallahu Mashafa, c'est une épreuve. Inch'Allah, pour les premières questions. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du son? On me demande, il n'y a personne dans le salon sur l'inspect. Je sais pas si Mousseline va y aller. Vous me dites quand je peux commencer, je pense. Alors la question c'est la question de Al-Anissa. Elle dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cher, qu'Allah vous augmente en science. Pouvez-vous nous conseiller dans l'accomplissement des bonnes œuvres pour que chaque jour qu'Allah nous accorde soit bénéfique pour nous ainsi que pour notre entourage? Et elle dit aussi, pouvez-vous me donner un rendez-vous téléphonique en journée? C'est un peu urgent, ainsi que votre numéro, car le numéro que j'ai ne fonctionne pas. Vous êtes mon rêve. Deuxième question, c'est la question de Soumaya 13. Non, pardon, Rafa. La question de Hafsa. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, cher. Une personne en état d'impureté majeure peut-elle réciter des invocations? Voilà, c'est bon le son. Voilà. Là, c'est mieux là. Hafsa dit, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, cher. Une personne en état d'impureté majeure peut-elle réciter les invocations étant donné que ce n'est pas du Coran? Barakallahu fik de votre réponse. La question de ensuite de Soumaya 13. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, cher. J'ai une question sur la manière de faire le ghusl après les rapports pour une femme en ce qui concerne ses cheveux. Est-ce qu'il lui suffit de verser trois poignées d'eau sur sa tête, comme dans le hadith rapporté par Maïmouna radiallahu anha, dans Al-Bukhari et Muslim, sachant que si la sœur a de longs cheveux, cela ne mouillera pas la totalité de ses cheveux. Ou doit-elle se mouiller tous les cheveux? Ensuite, c'est la question de Zahira. Assalamu alaikum, mon cher, qu'Allah vous accorde le paradis ainsi qu'à votre famille, amin. J'aimerais savoir si une personne a l'habitude de faire salat al-duha le matin, et qu'elle ne peut pas le faire un jour, ou qu'elle l'oublie. Doit-elle la rattraper, barakallahu fikoum? Ensuite, la cinquième question de Othman. Hein? Salam alaikum rahmatullah wa barakatuh. J'essaie de lire le Coran tant que je peux, walhamdulillah. Mais je souhaite le lire avec le tafsir, ce qui risque de me prendre énormément de temps pour finir le Coran. Donc, que me conseillez-vous? De continuer ou de lire et d'avancer? Qu'Allah vous accorde sa miséricorde et son firdaus, ainsi qu'à votre descendance aux musulmans et croyants. Amin. Et elle voudrait savoir, entre parenthèses, elle est désolée de prendre votre temps. Si, je voudrais savoir juste. Elle voudrait savoir juste. Elle voudrait juste savoir, pardon, qu'il y a une sœur du Canada qui vous a envoyé un email d'urgence, car elle se trouve vraiment dans une mauvaise situation. Pourriez-vous lui répondre? Car elle est peut-être dans un péché et elle est vraiment perdue et ne sait pas quoi faire. Encore afan et cher, barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. J'ai entendu les deux dernières questions, c'est-à-dire pour la pureté, l'impureté majeure, les invocations, Salat Duha et le Coran. C'est-à-dire, je crois, les trois dernières questions. J'ai pas entendu les deux premières parce que j'étais occupé avec l'autre salon, avec le son dans l'autre salon. El Mohim, si tu pouvais lire, Inch'Allah ta'ala, les deux premières questions, ou bien les trois. Et en ce qui concerne celle du Canada, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Quand elle a dit si je pouvais lui répondre, elle veut dire si je peux lui répondre maintenant, en direct ou là par mail? Fadl. Par mail, elle me dit par mail, Inch'Allah ta'ala. Donc la première question c'était concernant Al-Anissa. Elle demanda, yani, elle vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher, qu'Allah vous augmente en science. Pouvez-vous nous conseiller dans l'accomplissement des bonnes œuvres pour que chaque jour qu'Allah nous accorde soit bénéfique pour nous ainsi que pour notre entourage? Ensuite elle dit, pouvez-vous me donner un rendez-vous téléphonique en journée? C'est un peu urgent, ainsi que votre numéro, car le numéro que j'ai ne fonctionne pas. Jazakumullahu khairan wa salam alaykum rahmatullah. Ensuite, c'était la deuxième question, c'était la question de Hafsa. C'était la question de Hafsa. Elle disait, salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. Une personne en état d'impureté majeure peut-elle réciter des invocations étant donné que ce n'est pas du Coran? Barakallahu fikum. De votre réponse. Et la troisième question, la troisième personne, c'était Soumeya 13. Soumeya 13, pardon. Alors, elle voudrait savoir. Elle dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah ya Cheikh. J'ai une question sur la manière de faire le ghusl après les rapports pour une femme en ce qui concerne ses cheveux. Est-ce qu'il lui suffit de verser trois poignées d'eau sur la tête, dans le hadith rapporté par Maimouna radiallahu anha, qui est dans Sahih al-Bukhari wa Muslim? Sachant que si la sœur a des cheveux longs, a des cheveux longs, cela ne mouillera pas la totalité de ses cheveux, ou doit-elle se mouiller tous ses cheveux? Voilà, cher. Tafadhol. Malgré cela, je n'ai pas bien compris la première question, mais Inch'Allah ta'ala, je vais répondre d'après ce que j'ai compris. Je vais répondre, Inch'Allah ta'ala, d'après ce que j'ai compris. Cher, ici, j'ai des questions. Naam. Ensuite, Ibrahim 13, tu as oublié que il y avait deux questions, et à chaque fois, il y a deux questions sur le paltok, afwan, sur l'inspic. Toi, tu n'as lu que cinq questions sur l'akhar. Tu as lu cinq questions sur le paltok. C'est-à-dire que il y a aussi deux questions sur quoi? Sur l'inspic. Non, parce que les gens sont en train de me dire que Yanni, il n'a pas lu nos deux questions. Donc, Inch'Allah Ta'ala, comment qu'on va faire? Les deux dernières questions, on va les remplacer par deux questions de l'INSPIC. Ensuite, les deux dernières questions seront les deux premières pour l'autre, Inch'Allah Ta'ala, question. Tfadl, Abou Zak, tfadl. Et maintenant, cher, c'est mieux? Subhanallah. Non, toujours pareil. Tout ça pour dire qu'en fait, cher, les gens m'ont envoyé des questions. Donc, Inch'Allah, ce qu'on peut faire, ils font les trois questions sur le palt. Et ensuite, vous passez le micro ici. Je fais les deux de InSpeak. On va voir le moment que Abu Huraira, je lui renvoie les questions. S'il peut prendre le micro. On va voir là. Est-ce que vous m'avez entendu, cher? D'accord. Donc la question de Abdullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de verser de l'eau très chaude dans un évier, on m'a toujours dit qu'il faut ouvrir l'eau froide en même temps, de manière à ce que l'eau devienne tiède et n'attire pas les shayatines. Est-ce que c'est dans la sunna ou juste culturel? Barakallahu fikoum. Ensuite, la question de... La question de Abou Hasna 13. Salam alaikum, cher, qu'Allah vous protège. Est-il permis de dire assalamu alaikum pour saluer plutôt que salamu alaikum? C'est-à-dire, là le frère il demande, est-il permis de dire assalam avec le A, assalam avec le alif devant, assalamu alaikum plutôt que salamu alaikum sans le alif? Faites dans le chien. Donc, avant de répondre, je demande sur le PAL si on a entendu les deux questions venues de l'InSpeak. Est-ce que vous les avez entendues? Si oui, on commence sur la table. Alhamdulillah. Donc, je dis pour la première question qui est une personne qui a une pureté majeure, impureté majeure, c'est-à-dire djanaba. Hein? Attendez, j'ai oublié de prendre le micro. J'avais oublié de prendre le micro sur l'inspecteur. La première question, pour une personne qui a de l'impureté majeure comme la djennaba, est-ce qu'elle peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à part le Coran? À part le Coran. La réponse, Inch'Allah ta'ala, rappelez-vous du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit que le messager d'Allah, rien ne le retenait de l'invocation, si ce n'est la djennaba. C'est comme ça. Hein? Et authentique, vous le trouverez dans Sahih al-Jama'a, et si c'est la Sahiha aussi. Donc, il est clair, il a dit que rien ne retenait le messager d'Allah d'invoquer Allah, si ce n'est la djennaba. Donc, la djennaba retient du fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, sauf bien sûr, si on est dans le besoin, on sait que, par exemple, ça va durer, qu'il n'y a pas d'eau, etc. Mais en général, c'est makruh. Vous savez ce que c'est makruh, hein? C'est détestable. Ce n'est pas haram. À part de lire le Coran. Ah, maintenant, si on invoque comme ça, une idée, ad'iya, on est dans la djennaba, c'est juste makruh. C'est détestable. Et rappelez-vous que le messager d'Allah, une fois, quelqu'un lui a dit salam, il n'a pas répondu. Juste pour dire salam, il a fait le taïmoum, mais il lui a dit alaykoum salam wa rahmatullah. Alors qu'en est-il pour la djanaba? Wallahu azza wa jal a'lam. Et d'ailleurs, quand on dit comme ça aide quoi? Ça aide à ce que les gens accourent vers l'obéissance d'Allah Ta'ala en allant enlever la djanaba. Hein? Ce n'est pas, par exemple, comme les menstrues. Dans les menstrues, la femme peut invoquer Allah Ta'ala car ce sont des choses qui viennent, yani, qui la dépassent. Surtout si elle a l'habitude d'un word qu'elle lit tout le temps. Mais je reviens et je redis, ce n'est pas haram pour l'impureté majeure. C'est détestable. Pour Salat al-Duha, pour celle qui l'oublie, elle ne peut pas la faire, est-ce qu'elle la rattrape? Salat al-Duha, justement, ne se rattrape pas. Non, ne se rattrape pas. On la rattrape si c'est le même jour et avant dehors, avant le zénith. Non, si c'est le même jour, je n'ai pas fait de Doha à 8h30, je la rattrape à 10h, 11h. Je ne sais pas si ça s'appelle rattrapage, c'est le même jour. Mais si c'est le lendemain ou là, c'est trop tard. Ou là, si c'est Salatullah, c'est trop tard. Et d'ailleurs, Salatullah, ce n'est pas une chose obligatoire, yani, pour que yani, je doive la rattraper, inshallah ta'ala. Pour la personne qui a dit, je lis le Coran ou là j'aime lire le Coran, etc. Et maintenant je remarque que j'ai commencé par les trois dernières questions. Non, je me suis trompé parce que la première et la deuxième, je les ai mises quatrième et cinquième. Pour la personne qui a dit, je lis le Coran, etc., pour le tafsir, on lui dit, lire et réciter, c'est une adoration. Et quand tu lis le tafsir, c'est une autre adoration. Et toi, essaye de faire cette chose et l'autre, si tu peux, inshallah ta'ala. Comme d'après le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu qui disait que, il disait autant de nous, les compagnons, yani, on lisait les 10 premières, par exemple, 10 versets, ensuite on n'allait pas, yani, on ne lisait pas encore jusqu'à ce que on voit c'est quoi leur tafsir pour les appliquer. Je dis à cette personne, fais un moment, inshallah ta'ala, où tu dois lire le Coran, réciter, par exemple, si tu peux, par exemple, Hizb par jour, ou bien 2 hizb, ou bien plus. Ça dépend de la personne, est-ce qu'elle est arabophone, et combien qu'elle a de temps, etc. Et il y a ni un jour ou là, 2 jours ou là où tu lis le tafsir. Un autre jour ou là, 2 autres jours ou là, 2 autres moments où tu lis le tafsir. Parce que c'est très important quand tu dois savoir de comprendre ce qu'on lit. Car quand on lit seulement, il y a ni, bien sûr, on a des récompenses. Mais ce n'est pas comme on comprend ce qu'on lit. Non. Et sache que la première adoration, c'est la récitation, lire. Et la deuxième adoration, le fait de lire le tafsir, c'est quoi? C'est la quête de la science. Que Allah Azzawajal t'aide. Reste maintenant pour le part-talk. Non. Le fait de jeter de l'eau chaude dans le levier, on a posé cette question à un savant. On lui a dit, est-ce qu'on dit bismillah ou là on ne dit pas? On veut jeter de l'eau chaude dans le levier, on lui a dit, est-ce qu'on dit bismillah ou on ne dit pas? Parce qu'il paraît que les chayatines, etc., etc. Le savant a répondu, en général, on ne jette pas de l'eau chaude dans le levier. Il a dit bismillah n'a rien à voir. Mais en général, on doit refroidir l'eau avant de la jeter dans le levier, pour être plus prudent. Non, quand c'est vraiment chaud, qu'est-ce qu'on fait? Avec la casserole qui est pleine d'eau chaude, par exemple, on lui ajoute de l'eau froide, on ouvre l'eau froide, on la remplit. Maintenant, c'est plus un chaud comme c'était. On jette avec l'eau. Non. Comme ça a répondu le savant, bi'idhnillahi ta'ala. Non, je crois que c'est Ar-Rajihi hafidhahullah. Non. Et pour salam alaykoum, non, comment qu'on dit? On dit salam alaykoum. On peut pas dire salam direct. Salam alaykoum. On peut pas. Dans ce cas, on dit salamun alaykoum. Sinon, on dit assalam. Comme ça. Ah, assalamu alaykoum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. On ne peut pas dire directement salam, salamu alaykoum. Ça ne se dit pas. Assalam, ça s'appelle là. Son nom, c'est assalam. Assalamu alaykoum. Donc, le ahada, on le dit, naam. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse pour les 5 premières questions. Wallah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Tafadhal, je te laisse le micro. Salam alaikum. Vous avez reçu les questions que je vous ai envoyées en PV là. Cela. Très bon. Non. Donc c'était au tour, il y avait quelqu'un qui avait la main levée, mais elle a baissé la main. Elle a perdu sa place, je veux dire. C'était Shahina 2. Sa question c'est Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certaines personnes disent qu'ils ne veulent pas adorer Allah par crainte de l'enfer ou par espoir d'aller au paradis. Ils disent qu'ils veulent l'adorer pour lui seul et qu'ils n'ont pas peur de l'enfer et ils ne veulent pas du paradis. Ils vont même jusqu'à dire, mon Dieu, si je t'adore par crainte de ton enfer, brûle-moi dans ces flammes. Brûle-moi dans ces flammes. Et elle dit, j'ai fait une recherche et j'ai vu que c'était un poème soufi, Wallahu a'lam. Comment leur répondre? Et quel est leur jugement? Qu'Allah vous récompense par le Firdaous ainsi que votre famille, amis. Ensuite, c'était autour de Oum Soumaya 13. Sa question était: Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, hayyakoum Allah cheikh. J'ai une question sur la manière de faire le ghusl après les rapports pour une femme en ce qui concerne ses cheveux. Est-ce qu'il lui suffit de se verser trois poignées d'eau sur la tête, comme dans le hadith rapporté par Maïmouna radhiallahu anha, qui se trouve dans Al-Bukhari wa Muslim, sachant que si la sœur a de longs cheveux, cela ne mouillera pas la totalité de ses cheveux, ou doit-elle se mouiller tous les cheveux? Ibrahim, je n'ai pas compris. Tu as lu seulement deux questions. Tu as lu celle du Rost, hein? Tu as lu celle du Rost, et tu as lu la première que je vais te demander de relire. La première, assez longue, plus ou moins longue, que je te demande de relire. Mais normalement, tu lis trois questions et deux sur le patron. Et deux sur l'esprit. S'il te plaira, répète la première. Donc la deuxième question c'était: Salam alaykoum wa rahmatullah. Certaines personnes disent qu'ils ne veulent pas adorer Allah par crainte de l'enfer ou par espoir d'aller au paradis. Ils disent qu'ils veulent l'adorer pour lui seul et qu'ils n'ont pas peur de l'enfer et ne veulent pas du paradis. Ils vont même jusqu'à dire: Mon Dieu, si je t'adore par crainte de ton enfer, brûle-moi dans ces flammes. Et la personne en question, elle dit: J'ai fait une recherche, et ces paroles-là, c'était dans un poème de Soufi. Après, elle dit: Allahu A'lam. Comment leur répondre? Et quel est leur jugement? Qu'Allah vous récompense par le Firdaus. Et si ces gens-là, ils craignent, tellement qu'ils craignent le châtiment d'Allah Azzawajal, ils voudraient être brûlés par les flammes de l'enfer. Ils préféraient aller au paradis. Ensuite, la troisième question, c'est la question de Uthman. Hein, elle dit: Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. J'essaie de lire le Coran tant que je peux, walhamdulillah, mais je souhaite le lire avec le tafsir, ce qui risque de me prendre énormément de temps pour finir le Coran. Donc que me conseillez-vous? De continuer ou de lire et d'avancer? Qu'Allah vous accorde sa miséricorde et son firdaus, ainsi qu'à votre descendance, aux musulmans et croyants. Amin. Sombre comme les bras parfois, alors qu'elle peut les faire une fois ou deux. De plus, elle a la peau sèche et même de l'eczéma qui ne facilite pas les choses. Donc elle voudrait savoir si elle peut faire le tayammum ou quelque chose d'autre, car elle est presque à bout et quand même quelquefois jusqu'à retarder la prière, car elle appréhende le moment de se mouiller. Est-ce que vous êtes joignable les mardis, cher? Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, la question de Abu Hasna 56. Salamu alaikum, cher. Nous connaissons une personne qui s'est convertie il y a peu de temps. Alhamdulillah. Il prie, jeûne, etc. Alhamdulillah. Ce frère est un boxeur professionnel qui boxe dans des villes comme New York, etc. Il est nouveau dans le din. Et il aime tellement la boxe que nous avons peur de le perdre. Il aime tellement la boxe que nous avons peur de le perdre si on lui dit de ne plus boxer, cher. Pouvez-vous le conseiller? On les retransmettra. Tafaddal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sur une fille, vous m'entendez? Alhamdulillah. D'abord, je dis barakallahu fik à la personne qui m'a corrigé, qui m'a dit, quand je parlais de l'eau, etc., j'ai dit levier. Non, levier, c'est levier de vitesse. On me dit de loin. Il va tomber, donc j'enlève. Qu'est-ce que j'enlève? Dévier, non, ça. Vous m'entendez de loin? قدر الله ما شاء ما شاء فعل الله pour aujourd'hui pour l'organisation il n'y a pas de service, il n'y a pas de... Oui. Toi, tu entends bien. Donc je disais que c'est l'évier, c'est pas le levier. Le levier, c'est pour le vitesse, etc. Oui. Barakallahu fik. Deuxièmement, la personne qui... la personne qui a parlé à ton début ici de la conseiller dans l'accomplissement des bonnes œuvres, etc. Je n'ai pas bien compris sa question. Elle a dit qu'il fallait nous encourager, ou là je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire. Je dis que. Yani, attendez. Non, je dis que les bonnes actions, comme vous savez, elles augmentent la foi. Les bonnes actions augmentent la foi. Plus on fait de bonnes actions, et plus notre foi, bien azzawajal, augmente. Et plus c'est un délil que on est, yani, on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas une chose qui rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala comme les bonnes actions nafila. ومازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ حتى أحبه. طيب. Donc, toute personne qui peut faire beaucoup d'actions, qu'elle le fasse, Inch'Allah Ta'ala, surtout que maintenant, par exemple, on est au mois de Muharram. Et ce mois, comme vous savez que c'est yani, un mois où il est cité beaucoup de fadl. Yani, c'est un mois yani, que le messager de l'Aïssa aimait beaucoup et que. Yani, les bonnes œuvres aussi, là, elles ont un grand rôle, surtout comme le Siyam. Al-Mouhim. Quant au rousl, la personne qui a dit le rousl et les trois poignées d'eau, etc., sur la tête, les savants disent à condition que l'eau touche tous les cheveux, sauf pour la femme qui a quoi? Sauf pour la femme qui a par exemple les tresses. La femme qui a des tresses. Dans la djennaba, il ne lui est pas obligé de se détresser. Il ne lui est pas obligé qu'elle enlève ses tresses dans la djennaba. Mais si c'est pour les monstrues, elle est obligée d'enlever les tresses si elle a des tresses. Non. Et elle doit faire le maximum pour que l'eau touche ses cheveux au maximum. Donc je conseille à cette sœur qui a dit que si elle. Devait faire des efforts pour que l'eau touche ses cheveux. Je dis non. Elle se met yani, sous la douche et au moment où elle ouvre la khorhadak au-dessus de sa tête, elle frictionne comme ça, yani, avec quoi? Avec ses mains. Frictionne avec ses mains pour que l'eau arrive yani, à disons sur sa tête, pas sur ses cheveux, pour que l'eau arrive à la tête. Non. En ce qui concerne autre chose, pour celle qui a envoyé un mail pour le Canada, Inch'Allah Ta'ala, après-demain, je lui réponds. Demain, Inch'Allah Ta'ala, je serai absent. Inch'Allah, après-demain, Bi'idhnillah Ta'ala, je lui réponds qu'elle patiente, Bi'idhnillah Ta'ala, ou peut-être demain la nuit. Allahu A'lam. Et pour celle qui avait demandé le numéro de téléphone, aussi demain. Je serai absent. Mais après-demain, Inch'Allah Ta'ala, à 14h. Après-demain, à 14h. Et le numéro, elle a dit le numéro ne fonctionne pas. Je lui ai dit le numéro fonctionne. Il ne fonctionne pas quand je ne l'ouvre pas. Quand je ne mets pas la puce dans le portable, il fonctionne pas. Mais quand je la mets, il fonctionne, bi'idhnillah Ta'ala. Après-demain, Inch'Allah Ta'ala, à 14h, bi'idhnillah Ta'ala. Non, je ne suis pas arrivé. Non, je ne suis pas arrivé. Ensuite, pour la personne, non, pour la personne qui a parlé de certains gens ou d'une certaine personne qui, Zama, disait qu'on devait adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas par crainte de son enfer, ni par yani, amour de son paradis, mais pour lui-même. Et on dit que cette personne. C'est une femme qui s'appelle. Attendez, je vois comment elle s'appelle. On dit que c'est elle. C'est bien un peu de juste pour lui. Ce sont des paradis. Non. Non. Cette femme, on dit qu'elle s'appelait Rabi'a al-Adawiyya. On dit c'est elle qui a dit cette phrase célèbre. Mais les savants disent Allahu alam. Il n'y a aucune preuve. C'est vraiment elle qui a dit cette phrase. De toute façon, cette phrase, adorer Allah Ta'ala en lui-même, pas de peur d'enfer, ni par intérêt pour le paradis, cette phrase ne peut la dire qu'un ignorant. Ne peut la dire qu'un ignorant, un grand ignorant. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, justement, a créé le feu pour nous faire peur. Il a créé le paradis, pourquoi? Pour nous faire, il en est intéressé pour qu'on fasse les adorations, pour nous pousser, exhorter à faire des adorations. Non. Et sinon, donc la Ta'ala, pourquoi il les a créés? C'est pour ça que le Coran et la Sunna sont plein de versets. Si je commence à citer, je ne vais pas m'arrêter. Il est hadith où il est dit que, yani, regardez, maintenant en vous parlant, j'ai pensé au hadith. Regardez. Ittaqullah walaw bishiqqi tamra. Ittaqun nar. Ayez peur du feu, même si vous devez faire l'aumône de quoi? Une demi-date. Tout le monde connaît ce hadith, ça? Ittaqun nar. Craignez le feu, même en donnant quoi? En donnant, yani, une demi-date. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Craignez le feu. Regardez, craignez le feu. Dans le Coran, c'est plein de Waqina adab nar. Waqina adab nar. Yani, et ya Allah, éloigne-nous, quoi? De l'enfer. Et lorsque la Ta'ala a dit, Oulaïka anha mub'adoun, la yisma'ouna hasisa, wa hum fi mashtiyat anfusuhum khalidoun. Lorsque la Ta'ala a dit, en parlant certains gens, leur récompense, Oulaïka anha mub'adoun. Ces gens-là, je vais les éloigner de l'enfer. Donc, je te demande de faire des choses pour être éloigné de l'enfer. La yisma'ouna hasisa, ils n'entendent pas, yani, le ronflement sera de l'enfer. Wa hum fi mashtiyat anfusuhum, mais ils seront dans le paradis. Khalidoun, ils auront tout ce qu'ils veulent dans le paradis. Et c'est plein de versets écoutés des hadiths qui disent que, yani, on doit demander à Allah Ta'ala de nous éloigner de l'enfer et de quoi? On doit demander à Allah Ta'ala de nous faire rentrer au paradis. Et il n'y a que l'ignorant, le djahl, qui ne demande, quiconque ne demande pas à Allah Ta'ala de le faire rentrer au paradis, on va dire de lui c'est un mutakabbir, c'est un vaniteux, mutakabbir. Naam. Vantard. Et quiconque dit je n'ai pas peur de l'enfer, celui-là, on va lui dire Nam, t'as maghrour. Tu as des illusions, t'as maghrour. Nam. Il reste quoi? Reste. Coran. Nam. Rousse, rapport. Bon, l'affaire du Rousse l'a dit. Rapport. Des fois, j'écris des comme ça des mots seulement, si je ne me rappelle pas, c'est quoi exactement la question. Personne n'a parlé de rapport après les rostres. Je crois que c'est la même question, celle qui a dit pour les cheveux trois poignées, je crois. Celle-là, j'ai répondu. Ensuite, pour les ablutions et incontinence. Ça, ce n'était pas une question très bien comprise. Si la personne dit qu'elle a des incontinences, par exemple d'urine ou bien de gaz, les savants lui disent, tu dois attendre le moment où c'est l'heure de la salat. On n'a pas le droit de faire les wudu bien avant. Et tu attends. Quand c'est le moment de la salat, c'est l'heure, c'est le moment où tu vas la faire, à ce moment, tu fais le wudu. Et après avoir terminé le wudu, même s'il y a incontinence d'urine ou de gaz, on doit continuer sa salat et la terminer. Et ensuite, on ne la refait pas. À condition que je n'ai pas fait le wudu, il y en a une heure auparavant, mais j'ai fait le wudu juste quand c'est le moment de l'adoration. Ah. Ensuite, pour la personne qui dit je commence à compter, parce que j'ai fait une fois mes mains, deux fois, trois fois, tout cela, ça rentre dans le ouest, c'est le shaitan. Tu regardes ta main, si elle est mouillée, c'est pas la peine d'en rajouter une autre fois, car une fois ça suffit. Et toi, puisque tu l'as mouillée, khalas, déjà une fois ça suffit. Ah. Maintenant, tu vas refaire, peut-être c'est la cinquième, peut-être c'est la sixième, tu vas rentrer dans les ouest. Ah. Pour le converti, pour le converti et qui aime beaucoup la boxe, etc., je donne un conseil à ses amis, pas à lui. Je donne un conseil d'abord à ses amis parce qu'il ne m'entend pas. De ne pas lui parler de boxe maintenant. Je donne un conseil de ne pas lui parler de boxe maintenant. Il risque quoi? Il risque de délaisser l'islam au profit de la boxe. Pourquoi? Parce que l'islam pour lui, il est nouveau, ce n'est pas quelque chose d'important. Mais la boxe, pour lui, c'est très important, c'est toute sa vie, alors que l'islam, c'est seulement un mois ou 15 jours. Vous comprenez? La boxe, c'est toute sa vie. La musique, c'est toute sa vie. Laisse-le, Inch'Allah Ta'ala, que sa foi grandisse un peu. Ensuite, tu vas voir, Bi'idhnillah Ta'ala, lui, il va s'en éloigner. Sauf, je dis sauf, si c'est lui qui t'en parle. S'il te dit, est-ce que c'est bien de faire la boxe? Que dit l'islam sur la boxe? Tu lui dis, puisque c'est toi qui a posé la question, donc je te dis. C'est toi qui as posé la question. Mais s'il ne pose pas, laisse-le, inshallah ta'ala, un peu, yani que la foi yani grandisse chez lui. Ensuite, on va chercher le moment opportun pour lui faire passer le message bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, si lui, s'il m'entend, je lui dis bien sûr que la boxe est interdite en islam. Parce que on frappe sur le visage et on fait des lésions, on fait tout ça, c'est interdit en islam. Voilà, inshallah ta'ala, pour les 5 premières questions. Tfadlal. Les 5 autres questions. Non. Ensuite, c'est la question de Sarah Oumou Mohamed. Elle dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon médecin m'a prescrit un vernis médical à mettre sur une partie d'un ongle de chacun de mes pieds. Ce vernis est appliqué une fois par semaine pendant 3 mois. Cela veut dire, Annie, que ce vernis, il est imperméabilisé. Il imperméabilise les parties de ses ongles à traiter. Comment doit-elle faire pour les ablutions? Jazakumullah khairan. La deuxième question, elle est de Umu Huraya. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. Hayakumullah. Si une sœur voit qu'elle a des pertes blanches et qu'elle oublie de passer de l'eau dessus, et fait sa prière obligatoire avec les pertes blanches et s'en souvient dans la soirée, doit-elle rattraper sa prière? Barakallahu fik. Ensuite, c'est Abu Daoud wa Ilyas. La question de Abu Daoud wa Ilyas. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. A-t-on le droit de faire des invocations en soujoud en français, car dans le cours précédent on a parlé de cela. La salat étant une adoration, nous avons dit que c'était pas permis de parler en français. Je fais la salat en arabe, mais pour les invocations, je ne peux pas pour l'instant les faire en arabe, car je ne sais pas bien parler l'arabe. Comment dois-je donc faire? Pouvez-vous me réexpliquer sur la niya dans la salat, car j'ai pas compris salat désignée ou non. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Donc, Abu Daoud, je vois que votre question a été posée sur le Paltalk, donc je vais passer au frère Yadoun, dont j'attends toujours la question. Inch'Allah, on va passer donc à Nusaiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayakumullah. Que signifie le riba dans ce hadith? Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Voulez-vous que je vous informe d'une chose par laquelle Allah efface les péchés et élève les gens à des niveaux supérieurs? Certes, oui, au messager d'Allah. Il dit: L'intégralité des ablutions. Isbagh al-wudu. Dans les circonstances désagréables, et multiplie les pas en direction des mosquées, car c'est là le riba. Car c'est là le riba, car c'est là le riba, rapporté par Malik et Muslim, wa Tirmidhi et Nisa'i. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair, wa salamu alaykum wa rahmatullah. Ensuite, Yadoun, j'attends toujours votre question. Est-ce que vous m'entendez, Yadoun? Ibn Mustafa, je n'ai toujours pas votre question. Donc, après c'est très très loin, c'est le frère Al-Bukhari. Inch'Allah, pour ne pas perdre de temps, je vais poser la question d'Al-Bukhari. Quel est l'avis concernant salat ou tasbih? Peut-on la faire ou pas par rapport au fait qu'on dise que le hadith est faible? Merci pour votre réponse et qu'Allah vous en récompense. Chir, je donne une précision au sujet du frère boxeur reconverti. Donc le frère Abu Hasna 56 me précise que, en fait, c'est le boxeur qui posait une question par rapport à la boxe. C'est lui-même qui pose la question et qui attend votre réponse. Et aussi, le frère Abu Hasna demande si vous êtes joignable, car le boxeur aimerait vous contacter. Barakallahu fikoum, Cheikh. Je vous laisse le micro. Wa alaykoum salam, rahmatoullah wa barakatuh. Je dis wa alaykoum salam, rahmatoullah wa barakatuh. Pour la personne qui vient de parler de téléphone, je lui dis, inshallah ta'ala, après-demain. Après-demain, inshallah ta'ala, après 14h. Disons entre 14h et 14h30. Abou Zek, est-ce que vous m'entendez sur l'inspeak? Saut, Abou Zek. Alhamdoulilah. Taïb. Pour la première question, c'était, si je ne me trompe pas, en ce qui concerne le vernis et les ablutions. Le vernis et les ablutions. Ça. Vous savez que le fait de mettre le vernis, ça devient quoi? On ne peut plus faire le wudu. Car le vernis empêche le wudu de quoi? De, empêche l'eau de toucher l'angle. Toucher l'angle. Non. Maintenant, on dit, si c'est pour un traitement médical, c'est pour un traitement médical. Je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, que yani, cela dépend de quoi? De la gravité et de la non-gravité. Car des fois, c'est juste, yani, pour que les ongles soient beaux, c'est juste pour elle-même. Il y a mieux que cela. Il y a mieux que de dire à la personne de mettre le vernis ensuite, de ne pas faire le wudu. Il y a, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle peut, par exemple, prendre de la ruksa. La ruksa qui consiste à quoi? Qui consiste à faire le wudu une fois normalement, ensuite à mettre des chaussettes. Ensuite, elle met des chaussettes, elle met le vernis et elle met, yani, par exemple, ses chaussettes. Ensuite, elle a, subhanallah, 24 heures. Pendant 24 heures, elle peut, yani, ne pas laver ses pieds. Pendant 24 heures, elle peut ne pas laver ses pieds. Je dis 24 heures, 24 heures, à partir du moment où elle touche, où elle essuie ses pieds. C'est-à-dire que si elle met les chaussettes le matin à 7 heures du matin et que pour la première fois elle va essuyer la salat al-asr, elle a gardé ses ablutions jusqu'à garder ses ablutions jusqu'à salat al-asr. Donc à salat al-asr, yani elle va, puisqu'elle les a perdues maintenant, elle va essuyer sur des chaussettes. Si elle va dormir avec ses chaussettes, ça va lui permettre jusqu'au lendemain, yani 24 heures. Non, je crois que c'est yani, la solution médiane. La solution médiane. Parce que de lui dire que yani, elle met le vernis, ensuite elle reste comme ça, yani, sans, yani, elle ne peut plus faire les ablutions, donc ne pas faire la salate, je crois que c'est quelque chose yani, de vraiment grave. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Non. Pour les pertes blanches, quand une personne fait la salate et la termine, et ensuite se rappelle qu'elle avait par exemple une najasa, elle avait une souillure quelque part et qu'elle devait l'enlever et elle a oublié. Dans ce cas quoi, elle ne refait pas la salate. Pourquoi? Parce qu'elle a oublié et l'oubli a été dans le délaissement et non pas dans le faire de fait. Et non pas dans le fait de faire. Il y a une différence. Si par exemple, tu me rappelles maintenant, je dis, oh, hier j'ai pas fait la salate. Est-ce que je vais la refaire ou bien je vais dire, il y a un verset qui dit, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ou bien je vais dire, il y a un verset qui dit, si on a oublié, Allah Ta'ala nous châtie pas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, non, tu dois refaire la salat. Pourquoi? La salat, c'est le fait de faire. Quand tu oublies quelque chose qui on doit faire comme adoration, on doit la refaire si on l'oublie. Mais quand tu oublies quelque chose qu'il fallait enlever, pas faire, mais enlever, comme enlever par exemple une souillure, tu l'as oublié. Et la salat est terminée maintenant, tu ne refais plus la salat. Et là, dans le cas où on dit les pertes blanches sont souillées, comme c'est l'avis par exemple de Cheikh Fawzan, Hafidhahullah. Sinon, comme Cheikh Ibn Othaymeen, rahimahullah, j'ai dit qu'une fois qu'il avait dit que les pertes blanches n'étaient pas souillées. Wallahu ta'ala alam. Pour les invocations dans le sujoud, les invocations dans le sujoud, naam. On avait parlé la fois passée qu'il y avait un savant qui a dit que on ne pouvait pas faire des invocations en français. Mais certains frères m'ont envoyé des documents comme quoi il y avait certains fatwas comme ça où on pouvait, yani, où il est dit qu'on pouvait faire en français. Je les ai lus, mais je ne les ai pas encore bien étudiés. Je ne les ai pas encore bien étudiés. C'est pour ça que, inchallah, très prochainement, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai de l'invocation en français dans la salate. Très prochainement, Inch'Allah Ta'ala. Une personne dit pour la salat désignée, etc., elle n'a pas compris. N'a pas compris la niya, salat désignée. Je voulais dire, quand une personne rentre dans une salat avec une intention, elle ne peut pas changer d'intention dans la salat pour aller d'une intention vers une autre. Pourquoi? Par exemple, elle est rentrée avec l'intention que c'est salat dhuhr. Ensuite, elle dit, je me suis trompé. Nous sommes dans Salat al-Asr, et Salat al-Dhuhr, je l'ai faite. Donc, je vais changer d'intention et dire dans ma tête que c'est Salat al-Asr, ou l'Isha, ou la... On ne peut pas. Pourquoi? Parce que on ne peut pas changer une salat, une intention de salat désignée. Tu l'as désignée ici dans ton cœur. Tu as dit Dhuhr, Asr, Maghrib. Tu ne peux pas pour aller vers une autre salat. Naam. Mais quand est-ce que tu peux changer d'intention? Si tu vas changer d'une salat désignée vers une salat qui n'est pas désignée. Par exemple, tu rentres pour faire une salat dans ta tête, par exemple, que c'est salat al-dhuhr. Par exemple, là, ou là, disons que, non, ma'alich, salat al-dhuhr. Ensuite, tu te rappelles, tu dis, subhanallah, salat al-dhuhr, je l'ai faite. Comment donc je vais faire? Donc, à l'intérieur de la salat, tu changes d'intention. Tu dis, donc celle-là, c'est quoi? C'est yani, c'est une salat nafila, c'est pas une salat d'or. Donc regardez comment, d'une salat désignée qui était salat d'or, j'ai changé pour aller vers une salat non désignée. Comme ça, tu peux faire. Mais le contraire, tu peux pas le faire. Tu peux pas passer, par exemple, d'une salat yani, désignée vers une autre. C'est comme, par exemple, tu es dans la nafila, par exemple, tu es en train de faire des salats nafila surérogatoire. Ensuite, tu dis, attends, maintenant, cette salade, je vais la compter comme quoi c'est salade d'or. Tu peux pas, pourquoi? Parce que tu vas passer d'une salade non désignée à une salade désignée. Tu peux pas. Tu vas passer de salade nafila à salade d'or. Salade nafila, c'est surérogatoire. Tu vas passer vers l'obligatoire. Tu peux pas. Mais tu peux passer de l'obligatoire vers quoi? Vers celui qui n'est pas, vers la salat qui n'est pas désignée. Tu peux passer de salat al-dhuhr vers salat al-nafila. Nafila non désignée. Et pas le contraire. Wallah azza wa jal alam. Ensuite, pour salat tasbih, je dis naam, salat tasbih, il y a beaucoup de divergences. Mais l'avis de Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a dit c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique du fait de faire quoi? De faire salat al-tasbih. C'est pour ça que, inshallah ta'ala, vous pouvez faire salat tasbih bi-idhnillahi subhanahu wa azzawajal. Et enfin, pour le hadith qui a cité la riba, je ne connais pas un hadith où il parle comme ça, il dit de riba. Non, si tu peux me le donner en arabe, inshallah ta'ala. Parce que je ne connais pas un hadith où il dit que isbar al-wudu, etc., ça rentre dans la riba, l'usure. J'ai jamais entendu ça. Si vous pouvez me donner, inshallah ta'ala, l'accord en arabe, inshallah ta'ala. Au moins un extrait. Tfadhal. Non, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les sœurs ou les frères qui sont embêtés en PV, inshallah ta'ala, passez-les aux admins ou à moi si je pourrais leur parvenir, inshallah ta'ala. Donc voilà. Et Cheikh, il y a par rapport à la sœur qui a demandé par rapport concernant le vernis, elle dit, est-ce que je dois garder mon vernis, elle dit, je dois garder mon vernis une semaine d'affilée pendant 3 mois. Je dois faire les ablutions normales, même avec le vernis sur mes ongles et l'essuyage des chaussettes, même avec le vernis. Inch'Allah, elle pose cette question, est-ce qu'elle peut faire l'essuyage sur ses chaussettes avec le vernis sur ses ongles ou pas? Ensuite, je pose les autres questions. Barclov, répète ta question, je n'ai pas compris. Non. Elle a dit qu'elle doit garder son vernis pendant une semaine d'affilée pendant 3 mois. Est-ce qu'elle doit faire des ablutions normales, même avec le vernis sur ses ongles et l'essuyage des chaussettes, même avec le vernis, est-ce qu'elle doit faire l'essuyage malgré qu'elle doit garder ce vernis-là pendant une semaine d'affilée pendant 3 mois, est-ce qu'elle peut faire les ablutions normales quand elle a les chaussettes? Donc je pense, Allah Ta'ala, que cette personne ne m'a pas bien compris ce que je voulais dire. Bon, qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire que la personne n'a pas encore mis le vernis. Elle se lève le matin, elle fait le wudu normal, en mouillant ses pieds. Ensuite, quand ses pieds sèchent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre le vernis. Elle va mettre le vernis Ensuite, elle va mettre ses chaussettes et elle a le droit d'essuyer pendant 24 heures. Je dois garder mon vernis une semaine d'affilée. C'est ça le problème. Quand elle dit je dois garder yani, mon vernis une semaine d'affilée, pendant 3 mois. Je dois faire des ablutions normales, même avec le vernis sur mes ongles. Elle essuie des chaussettes, même avec le vernis. Inch'Allah. Là, franchement, j'ai pas compris la question. Elle a dit, est-ce que je peux faire mon, je peux, je dois garder mon vernis. Est-ce que je dois faire des ablutions normales, même avec le vernis sur mes ongles? Moi, j'avais dit que, avant de faire les ablutions, avant de mettre le vernis, elle devait faire déjà des ablutions. Ah, je crois que j'ai compris. Elle parle ensuite. Peut-elle faire les ablutions normales, même avec le vernis sur les ongles? Ensuite, avec les chaussettes. Non. Tayeb, Ibrahim, je te donne, inshallah ta'ala, dis-moi ce que tu as compris. Tfadl. Non, moi j'ai compris selon la question. Allahu a'lam, c'est que cette sœur-là a un traitement pendant 3 mois et pendant ces 3 mois elle doit garder le vernis une semaine d'affilée sur ses ongles. Et elle demande est-ce qu'elle peut faire les ablutions normales, le wudu normal, adi, avec les vernis sur ses ongles. Et elle peut faire le masah sur ses chaussettes tant qu'elle a ce vernis. Sur ses ongles, est-ce qu'elle peut faire le massage yani, sur ses chaussettes tant qu'elle a le vernis? C'est compris la chère? Non, j'ai compris. Je crois qu'elle veut dire que après maintenant qu'elle ait mis les chaussettes, pardon, après que maintenant elle a fait le wudu normal, elle a mis par exemple le vernis. Ensuite, elle a mis les chaussettes. Elle dit maintenant, yani, elle peut essuyer dessus. Elle dit ensuite, quand elle va faire le wudu, le prochain wudu, est-ce qu'elle peut le faire sur le vernis? C'est comme ça qu'elle dit. Est-ce qu'elle peut le faire sur le vernis ou pas? Non. J'ai oublié de demander à la personne si elle parle d'un doigt, ou bien c'est-à-dire un orteil, ou elle parle de tous les ongles des pieds. J'attends, inshallah ta'ala, sa réponse. Le temps que, inshallah ta'ala, toi, tu nous lises d'autres questions. Inch'Allah. Donc là, j'ai reçu plein de PV, des sœurs concernant qu'ils étaient dérangés par un certain Ahbash, anti-Ahbash kafir. Donc, alhamdoulilah, il a été bouncé. Donc, le frère musulman, il a bouncé. Tafadhal, musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez du son, Inch'Allah? Alhamdulillah. Cher, c'est par rapport au hadith qui vous a été lu sur Riba. Allahu alam, mais j'ai cherché le hadith, je l'ai trouvé en français. Mais Allahu alam, je pense que c'est Ribat et pas Riba. Je vous lis le hadith, Inch'Allah. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe ce par quoi Allah efface les péchés et élève en degré? Les gens dirent: certes, ô messager d'Allah. Il dit: renouvelez les ablutions mineures en dépit des difficultés et des réticences de l'âme. Multipliez les pas en direction des mosquées et y attendre la prière suivante. Tel est le ribat, et dans la version que j'ai, entre parenthèses, écrit djihad, entre parenthèses, tel est le ribat. Tel est le ribat. Hadith rapporté par Muslim dans le livre de la purification, An-Nisaï, At-Tirmidhi et Ibn Majah, selon Abi Saïd al-Khudri. Tfadal Sheikh. Nam, c'est ribat et pas riba. Tfadal Sheikh. Naam, avec le mot ribat, ça marche. Avec le mot ribat, le hadith se trouve dans Sahih Muslim. Naam, chapitre des ablutions. Ribat, ça veut dire c'est une forme de djihad. Ribat, c'est, yani, si on sait que, par exemple, les ennemis vont rentrer de cet endroit, yani, on va rester ici, on ne va pas bouger, on va faire le ribat. On va rester une nuit ou là. Ça rentre dans le ribat. C'est une forme de djihad. Voilà ce qu'a voulu dire le messager d'Allah. Voyez donc la différence quand quelqu'un y donne la chose en français. Et elle est peut-être, comme ici, déformée. Et quand on la donne en arabe, ribat. Ribat, c'est pas riba. Non. Donc c'est une forme de jihad, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadl. La question de Salafia. Assalamu alaykum, puisse Allah vous récompenser par le meilleur des par la meilleure des récompenses. Un homme divorcé doit-il obligatoirement verser une pension à son ex-femme pour ses enfants, sachant que le dernier de leurs enfants est encore allaité? Barakallahu fikum. Ensuite, c'est la question de Al-Muhtajiba. Qui dit salam alaykoum cher, je voudrais savoir si on pouvait prier avec des habits qui ont touché le sol, sachant qu'en France il y a des impuretés qu'on ne voit pas forcément. Jazakum Allahu khairan et qui vous accorde le succès. Wassalamu alaykoum. Et la troisième question est de Aïssa Salafi. Salam alaykoum wa rahmatullah cher. Est-il du bon comportement de la personne d'insister pour rencontrer une sœur pour le mariage, alors qu'elle a refusé à plusieurs reprises? Ça agace non seulement la sœur, mais ses parents également. Et pensez-vous qu'elle peut faire une rencontre juste pour avoir la paix par la suite? Car le souci du frère est que la sœur l'a refusé avant même de le rencontrer, et je crois que c'est et je crois que ceci la frustre autant. Barakallahu fikoum. Il y a la sœur Ourp 19 pour la question de tout à l'heure au sujet de la sœur qui avait de l'eczéma et qui avait des qui craignait le moment de faire le dos. Donc la sœur me précise pour la réponse, en fait, ce qu'elle veut savoir clairement, c'est le but, c'était de savoir si la personne peut faire oui ou non le tayammum par rapport à son problème. Ensuite, il y a le frère, le boxeur, mashallah, pour le rendez-vous téléphonique, barakallahu fikoum, qui demande si on peut lui mettre le numéro. Car sur le site actuellement il n'apparaît plus par rapport au nouveau message qu'il y a du fait que vous n'êtes pas disponible. Donc et là moi je suis pas en mesure de le donner. Donc Inch'Allah je demande à Abu Huraira ou c'est Abu Hasna 56 qui demande le numéro, Inch'Allah. Non. Voilà, ensuite donc pour les questions, Inch'Allah. Donc je lis la question de Ibn Mustafa. Assalamu alaikum, cher. Une sœur demande. Voilà quelques mois, voire années, que je suis très perturbé dans ma salat, l'adoration d'Allah Ta'ala. J'ai du mal à écouter certains versets du Coran, et quand je parviens à me concentrer, je reçois comme des coups d'électricité dans le dos. Aussi, je n'ai toujours pas consommé mon mariage, car j'ai un blocage, et cela me pèse par rapport à mon mari. J'ai des idées de mécréance qui viennent dans ma tête, et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Avec lequel, hein, je ne suis pas d'accord. Je sais qu'il faut que je me soigne et je dois faire les sababs tout en faisant confiance à Allah Ta'ala. Et je voudrais savoir quels sont les asbabs que je peux faire pour qu'Allah Ta'ala me guérisse. J'ai peut-être mal compris suite à la lecture du hadith des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement. J'ai cru comprendre que ceux qui demandaient qu'on leur fasse une ruqya ne feront pas partie de cela et que la ruqya par quelqu'un d'autre peut traduire un manque de confiance en Allah Ta'ala. Éclairez-moi, cher, car c'est la confusion dans ma tête et je ne sais pas par où commencer. Khair, inshallah, et alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, barakallahu fikum. Ensuite, je lis la question de Abu Nour. Assalamu alaikum. Récemment, à la mosquée, une personne âgée m'a vu avec une gourmette au poignet. Il est venu vers moi en me disant qu'il est interdit de porter ses bracelets car c'est du shirk. Donc, est-ce que cela constitue du shirk? Et quel est le dalil? Mais dans le cas où de porter des gourmettes, puis-je offrir cela à un enfant de même un an en inscrivant son prénom dessus? Je vous laisse le micro, cher. Salam alaykoum, la fille sort, Inch'Allah. Naam, Abou Zek, tu dis que pour le boxeur, bon, je te réponds moi par écrit, pour le boxeur qui veut le rendez-vous, etc. Premièrement, pour le numéro, je savais pas qu'il n'était pas sur le site. Dit premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous maintenant dans le salon, le boxeur? Réponds-moi, Inch'Allah Ta'ala. Non? D'accord. Alors vous voyez comment vous allez faire, comme vous allez voir comment lui donner mon numéro, Inch'Allah Ta'ala. Oui. Ensuite, pour la personne que tu as cité, toi, tu as cité ce qui avait dit si elle pouvait faire la salat avec le tayammum. Est-ce que tu parlais de la personne du vernis? Est-ce que tu parlais de la personne du vernis? Est-ce que c'est ça? Parce que je croyais que la personne du vernis, c'était... Ah non, hein? Dans ce cas, puisque tu ne parles pas d'elle, puisque tu parles pas d'elle, je te donne, Inch'Allah Ta'ala, le micro pour me lire cette question. C'est quoi la question de la horta alors? Salam alaykoum wa rahmatoullah. Donc là, sa question c'était Assalamu alaykoum wa rahmatoullah wa barakatuh. Ma question porte sur les ablutions. Une sœur a des problèmes gastriques et du coup elle perd très souvent ses ablutions et fait les ablutions à chaque entrée de prière, comme pour ceux qui sont incontinents. Cela fait plusieurs mois qu'elle est dans ce cas. Elle fait les ablutions 5 fois par jour, pratiquement tous les jours de la semaine. Comme elle a des waswas, elle fait toujours certains membres comme les bras, 3 fois. Entre parenthèses, alors qu'elle peut les faire une fois ou deux. De plus, elle a la peau sèche et même de l'eczéma qui ne facilite pas les choses. Donc, elle voudrait savoir si elle peut faire le tayammum ou quelque chose d'autre, car elle est presque à bout et va même quelquefois jusqu'à retarder la prière, car elle appréhende le moment de se mouiller. Est-ce que vous êtes joignable les mardis, Cheikh, barakallahu fekoum, wa assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ma sœur qui demandait pour le mardi, Cheikh. Je vous laisse le mic. D'accord. Donc, on va arriver, Inch'Allah Ta'ala, à sa question. Une seconde, je vais la noter. Donc, celle qui a posé sur le vernis, elle redit ici, elle redit, en fait, mon problème, c'est pour les ablutions normales, toutes les 24 heures. Pourquoi? Pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire PKE? PKE, ça veut dire pourquoi? Pourquoi j'aurai des ongles? Le pourquoi? Non. Inch'Allah Ta'ala, elle va réécrire la question. Pourquoi? Donc, ça donne quoi? Ça donne, en fait, mon problème, c'est pour les ablutions normales, toutes les 24 heures, pourquoi j'aurai des vernis sur les ongles? Voyez, celui qui m'a envoyé cette chose en whisper, tout à l'heure, je vais lui donner le micro pour qu'il me fasse comprendre ce que ça veut dire, parce que je ne l'ai pas compris. Quelqu'un qui a divorcé, hein, qui a un enfant, qui a allaité, hein, c'est lui qui doit quoi? C'est lui qui doit donner, il doit donner une pension pour cet enfant qui a allaité, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, si un enfant yani, allaite, et on a divorcé une femme, on doit donner la pension pour yani, cet enfant, bi'idhnillahi ta'ala, pour soit qu'il allaite sa mère, ou là pour qu'il allaite une autre femme, ou là pour lui acheter le lait, bi'idhnillahi ta'ala, na'am. Pour les habits qui touchent le sol, pour les habits qui touchent le sol, et peut-être qu'ils contiennent, les habits contiennent une impureté, parce qu'ils ont touché le sol, la réponse, c'est que. La règle, c'est qu'on peut faire la salat avec des habits qui ont touché le sol, même des habits qui ont touché une impureté. Alors, qu'en est-il maintenant que nous, on ne sait même pas s'ils ont touché une impureté ou pas. Parce que le messager d'Allah a dit dans le hadith authentique, il a dit, Yutahiruhu ma ba'dahu. Donc, ma ba'dahu yutahiruhu. On a posé justement ce problème au messager d'Allah. On lui a dit, comment, yani, tu nous ordonnes d'allonger. Le djilbab, alors, ça veut dire il va toucher la souillure. Alors il a répondu à Islam, il a dit, ma ba'dahu, c'est-à-dire quand vous allez marcher après, ça va quoi? Ça va lui enlever la souillure bidnatala. C'est dans le cas où on sait qu'il y a la souillure et on a vu la souillure. Qu'en est-il quand on ne sait pas du tout? Donc, Inch'Allah ta'ala, on fait la salat sans ouswes. Tant que j'ai pas vu de mes yeux quelque chose ou là j'ai pas senti une odeur. Non. Pour la muqabala, le frère qui a insisté après maintes refus ou la main refus, non. Normalement quelqu'un ne doit pas insister, non. toutes ces insistances. On arrête, Inch'Allah ta'ala, le temps que votre tante, Inch'Allah, arrête de faire du bruit ici, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Donc, on continue, Inch'Allah ta'ala. Je disais, Naam, pour celui qui insiste comme ça pour la muqabala, subhanallah al-azim, on t'a déjà rendu plusieurs fois que c'était négatif. C'est négatif. Dis-toi que peut-être que Allah Ta'ala te réserve yani une personne mieux que celle-là, Inch'Allah Ta'ala, et que Allah Ta'ala réserve à cette personne une personne mieux que toi. Ensuite, quand la personne dit, est-ce que je dois faire la muqabala juste pour avoir la paix? Réponse, non, c'est interdit. C'est interdit. Quand on fait muqabala, on l'a fait pour se marier s'il y a affinité. Ce n'est pas pour que quelqu'un me laisse tranquille, ou là pour ceci, ou là pour cela. Non. Ensuite, pour numéro de boxeur classe, Taïmon, pour la personne qui a la peau sèche, qui a des problèmes, non, qui a des problèmes de quoi? Qui a des problèmes sur de peau, etc. Non. Je dis à ma soeur que normalement, yani, c'est comme elle a dit tout à l'heure. Elle attend que c'est le moment de la prière à cause des incontinences. Ensuite, elle fait le wudu. Elle fait le wudu normalement. Et ensuite, quand elle termine, c'est pas la peine qu'elle dise j'ai fait ceci ou j'ai pas fait cela. Tout cela, ça rentre dans le waswas. Car la règle dit que quand on termine une adoration, le doute n'est plus permis. Le doute n'est plus permis. Car elle demande si elle peut faire le taïmoum. Je dis le taïmoum, pour le faire, il faut des conditions. Il faut qu'il n'y ait pas d'eau. Il faut qu'on soit malade, il faut que... moi, ce que j'ai compris ici, c'est qu'il n'y a pas de permission. Il y a l'eau, et ensuite, on peut utiliser cette eau. Reste le ouswas, pas le ouswas, et là, on essaie de le combattre, bi'idhnillahi ta'ala. On essaie de le combattre, bi'idhnillahi ta'ala. Comment on combat le ouswas? En se disant à soi-même que, même si c'est... Il me dit que c'est 4 fois, ou là, tu as fait 5 fois, là, j'accepte. J'accepte. Mais allez, j'ai fait... J'ai lavé mon bras 5 fois. Mais allez, j'accepte. Je n'ai lavé qu'une seule fois. Mais allez, j'accepte. Il ne faut pas suivre ce que me dicte. Ce que me dicte mon shaitan ou l'âme. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour l'akhar. Pour le wudu. Ensuite, Inch'Allah ta'ala, pour la gourmette. Non, avant cela, la personne qui a parlé de mariage non consommé, d'électricité dans le dos, etc. etc. Naam. Je dis... Ce n'est pas interdit de faire ruqya. Les savants ont dit de ce hadith des 70 000 qui vont entrer dans le paradis sans jugement. Il a dit, entre autres, ce sont qui? Entre autres, il a dit, ce sont ceux qui ne font pas ruqya. Mais son sens n'est pas apparent. Ce n'est pas comme ça qu'ils ne font pas ruqya. On voit l'explication de hadith. Les savants ont dit, il ne faut pas ruqya sans qu'ils en aient besoin. Car autrefois, les gens dans l'époque anti-islamique, la Jahiliya, ils faisaient la ruqya même sans qu'il y ait quelque chose. Ils disent, j'ai rien à faire, attends, je vais faire une ruqya pour qu'il ne m'arrive pas telle ou telle chose. C'est ça ce qui est interdit, bi'idhnillahi ta'ala. Mais si quelqu'un a quoi? A une maladie, par exemple, ou là, quelque chose de djinn, etc., et qu'il commence par se faire une ruqya lui-même, et qu'il n'y arrive pas, hein, ce n'est pas interdit, bi'idhnillahi ta'ala, qu'il demande à quelqu'un de pieux, il choisit une personne qui est pieuse, etc., de lui faire une ruqya, bi'idhnillahi ta'ala. Et encore mieux que cela, si une personne, sait qu'une autre personne a des problèmes de sorcellerie ou de djinn, etc., que ça soit elle, inshallah ta'ala, qui propose au malade, lui dit, attends, je te fais une ruqya, inshallah ta'ala, pour ne pas pousser la personne à ce qu'elle soit elle qui demande. Ça, c'est encore mieux. Quand on voit une personne non, qui a des problèmes ou là, c'est nous qui, quoi, nous, on lui dit, attends, je vais te faire une ruqya, Inch'Allah ta'ala, ou là, viens demain ou là, je vais te faire une ruqya, bi'idhnillahi ta'ala, naam. Pour la gourmette, en ce qui concerne l'enfant, naam. Pour la question, pour le problème de la gourmette, mettre une gourmette, en général, ce n'est pas un shirk, Inch'Allah ta'ala, ça ne rentre pas dans le shirk. Sauf si quoi? Sauf si on met cette gourmette avec l'idée que si on la met, on va guérir, on va ceci et cela, ou là, éloigner les malheurs et ça. Sinon, ça rentre pas dans le shirk, mais ça rentre dans le péché. Pourquoi? Parce que la gourmette, c'est un bijou féminin. L'homme ne doit pas mettre de gourmette pour ne pas se faire ressembler aux femmes. Et ni de chaîne d'or. Et c'est pourquoi, puisque lui, il ne peut pas mettre la gourmette, donc aussi il ne peut pas la donner, yani, à l'offrir à un garçon, bi-idhnin, subhanahu wa ta'ala. Reste pour Osmo. Est-ce qu'il reste, inshallah, une seconde? Non. Ensuite, je me suis rappelé une chose, mais quand je suis rappelé, bien sûr, c'est trop tard. Normalement, aujourd'hui, c'est l'aqida. Normalement, les questions aujourd'hui auraient tourné sur l'aqida et la salat. Mais maintenant, on a parlé un peu de tout. Non. Comment se faire la ruqyas moi-même? Non. On peut, par exemple, yani, prendre le Coran et lire. Lire, pour voir si on ressent quelque chose, ou là, si on veut s'évanouir, ou là, on peut mettre sa main sur l'endroit où on a mal, et on lit. Et on lit, on met sa main sur l'endroit où on a mal, et par exemple, on ouvre le livre et on lit le Coran. Ou bien on peut mettre une cassette comme ça, et on écoute. Et on voit s'il y a des réactions, s'il n'y a rien. Non. Et comme j'ai dit, même s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a rien, il est possible qu'en faisant une ruqya, on découvre des choses. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Reste que le problème du vernis de la sœur. Non, le vernis de la sœur, qui a dit que, c'est très important dans la salat. Brahim, est-ce que tu peux me donner d'autres détails sur le vernis? Sarah Mohamed, si tu peux me passer plus de précision, barakallahu fik. Parce que j'ai eu un problème de connexion. Est-ce que tu peux me passer, tu peux me réécrire c'était quoi exactement? Donc là, va me passer, inch'Allah. Elle dit que. Elle dit un orteil du. Elle dit. Son problème, c'est qu'il y a un orteil du pied droit et un orteil. Et un orteil du pied droit et un au pied gauche. Et un orteil au pied gauche. En fait, son problème, c'est pour les ablutions normales. Toutes les 24 heures. C'est pour les ablutions normales, toutes les 24 heures. Parce que. Enfin, j'ai pas compris ta question à. Mohamed, elle est mal formulée. Tu veux savoir si tu peux faire le wudu et tu peux passer sur les chaussettes parce que ton vernis reste parce que tu dois le garder une semaine, c'est bien ça. Allah, c'est mieux de lui enlever le point comme ça elle explique mieux sur le salon à l'écrit. Non? Sarah ou Mohamed? Non, c'est bon, je lui ai enlevé le raid, Inch'Allah, elle peut écrire sur la room directement pour expliquer au cheikh. Walaikum salam. En fait, le vernis, je dois le garder une semaine sans le retirer. Saha. Sur un ongle chaque pied. Je pose une question d'abord, Sarah Mohamed. Donc, pour le monsieur, je pose une question, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que yani, ce vernis, etc., qui est un soin, est-ce que c'est quelque chose yani, de vraiment yani, nécessaire, ou là c'est juste comme ça de l'esthétique pour avoir les ongles beaux, etc. Ou là c'est quelque chose yani, d'important pour le pays. Non. D'accord, si c'est quelque chose d'important, si c'est quelque chose d'important, c'est pour guérir les ongles. Non. Si c'est quelque chose d'important, par exemple, on peut faire quoi? Par exemple, la personne peut faire le wudu normal, sauf sur ces deux orteils où il y a le vernis. Elle fait wudu normal et quand elle arrive à ces deux orteils, elle ne les touche pas. Elle les touche pas. Ensuite, à cause de ces deux à cause de ces deux orteils, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le tayammum. Le tayammum pour les deux orteils, comme je l'ai dit déjà une fois. C'est-à-dire que quand c'est le moment du wudu, elle fait le wudu normal. Et quand elle arrive aux pieds, elle lave yani, ses pieds normalement sans toucher les orteils, les deux orteils où il y a le vernis. Et à cause de cela, elle fait le tayammum pour ses deux angles, pour ses deux orteils après avoir fait le wudu. Inch'Allah ta'ala, est-ce que c'est clair, bi'idhnillah ta'ala? Est-ce que c'est clair? Naam, c'est pareil pour le rousl. C'est pareil pour le rousl. Naam. On cache donc les deux orteils. On les cache avec quelque chose. On est pour être sûr qu'ils ne touchent pas. Ensuite, on fait le rousl. Et à cause de les deux, on fait le tayammum, inch'Allah ta'ala. Comment il s'appelle Abraham. Abraham 13. Inch'Allah ta'ala, j'ai besoin de toi en PV. Naam. J'ai besoin de toi en PV, inch'Allah. Toi et Om Sana, on se rencontre, inch'Allah ta'ala, directement après le cours. Hein. On se rencontre, inch'Allah ta'ala, après le cours. D'accord. Donc, on arrête, inch'Allah ta'ala, ici. On se donne rendez-vous mercredi, bi'idhnillahi azza wa jalla. Surtout que j'ai des invités, etc. Subhanallah, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك